J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. La meuf s'est grattée la chatte, mais violent! Il s'agit du flow de cast. Ça pue ta mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel, tous les lundis. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, oh, bonsoir oui. Et wow. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le 14e. C'est le 14e précisément, oui. Ouais, c'est le 14e épisode. Je n'aime pas cette blague. À chaque fois, j'y crois. Et un ronchon déjà autour de la table. Mais on va pas. Ça m'a fait du mal cette vanne, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Vous aurez reconnu ce petit grain de voix, qu'on reconnaît entre mille. Parce qu'il est connu. Il est connu, le gars. Il est connu. Et parmi, comme à l'accoutumée, quatre personnes avec moi. Tout d'abord, Simon Astier. Oh là là. Bonsoir. Simon Astier, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et n'auraient pas écouté l'épisode où tu étais venu il y a maintenant quelques mois ? Eh bien, je m'appelle Simon, j'écris, je réalise Simon et comment je joue. Simon Astier. Mm-hmm. Et j'écris, je réalise et je joue dans des choses. Dans des choses, voilà. Et citer. Parfois, je fais tout en même temps, parfois, je fais qu'un métier, parfois, j'en fais plusieurs. Et... Très bien. Voilà. Nous sommes également avec... Pardon, mais c'était... Non, c'était bien. Bah, c'est simple, excuse-moi. Quoi ? C'est simple et concis. Non, mais j'ai trouvé ça humble, tu vois. T'aurais pu dire les trucs dans lesquels t'as joué qui sont quand même de renom. Et c'est du harcèlement moral ce que tu fais. En fait, tu me détruis psychologiquement. Mais putain, c'est, ça que c'est sincère, putain. Tu vois, on croit que je suis sarcastique quand je suis sincère, c'est ça. Mais c'est le drame de ta vie. C'est le drame, drame de ma vie, ouais. Nous sommes également avec Sébastien Chassac. Oh oui. Bravo, bravo. Il s'est dit bravo à lui-même. Sébastien Chassagne, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Est-ce qu'il y en a ? Mais tu vois ? Quelques-uns quand même, quelques-uns. Je suis acteur principalement de théâtre et de cinéma et de télé et de web. Entre autres. J'ai mis par ordre de salaire. Nous sommes également avec Marjorie Lenoir. Ah oui ! Oui, absolument. Oui, c'est moi. Marjorie Lenoir, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Bonjour, je suis Marjorie Lenoir. Je suis nouvelle à ce podcast. Mais c'est vrai. Je suis ravie. Il faut savoir que pour les gens, Sébastien est aussi nouveau parce qu'il est venu dans une émission qui n'a pas été enregistrée. C'est la tristesse. Voilà, une émission où on donnait le nom de l'assassin de Kennedy. Donc c'est vraiment... les gens sont très mal. Ouais, on n'a vraiment pas eu de bol. Mais toi, c'est vrai que c'est la première fois que tu viens dans cet appartement pour enregistrer un podcast. J'en suis ravie. Ben, moi aussi. Donc, tu as beaucoup perdu à ne pas m'inviter plus tôt. Voilà, c'est vrai. Mais je pense que là, tu t'es mis la pression toute seule parce qu'il faut que tu fasses une émission culte. Exemplaire, totalement culte. Culte et je ne reviendrai jamais. Voilà, très bien. Tu es comédienne ? Oui, off de formation. Hein, non. Vraiment, tu peux nous dire. Je travaille très peu en tant que telle. On t'a vu dans quoi ? Vous avez pu me voir 45 secondes dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Ah bah oui. Oui. Une minute et demie dans Joséphine Sarandi de Marie-Lou Berry. Bien sûr. Ouais. C'est tout. Mais oui, mais le web. J'étais en figuration dans Clo-Clo il y a quelques années. Malheureusement, je suis floue dans l'arrière-plan. Voilà, et non, mais tu as fait du. Tu, on te connaît pour Internet quand même. Oui, tu as fait Internet. Beaucoup de vidéos sur ta chaîne. Sur ma chaîne. Marjorie oui, Lenoir. Écoute, tu vas pas passer l'émission à te dévaluer hein, maintenant. Non, pas du tout. J'ai fait des choses extrêmement bien. Non, tu as fait Good Monique et dernièrement le Latte Show. Exactement. Voilà. Pour les gens ont sûrement, tu sais, le public du podcast ont sûrement vu dans ces trucs-là. Sûrement. Merci beaucoup d'être venus tous les quatre. Comme à l'accoutumée, nous commençons l'émission en proposant aux gens de quoi ? Il y a des petits regards, il y a des petits. Je sais regards. Pas, ils me regardent. Oh là là, putain, il y a une belle énergie. Il y a une très belle énergie. Ouais. Adrien est très très mignon avec Sébastien et horrible avec Simon. Bah pas du c'est tout. C'est pas la première fois. Hein. Voilà, j'ai fait. Ouais. Mais c'est quoi votre passif là tous mais les mais il y a pas de passif, c'est juste lui qui un passif agressif apparemment. Ouh. Tout. Pas mal. Non, mais c'était pas mal, Simon. Ouais, c'était bien. Toi qui es auteur, tu goûtes un peu ce genre de petits mots. Je pense que je vais chialer. Nous allons partager avec le peuple, le monde, enfin en tout cas les auditeurs, ce que nous avons apprécié culturellement parlant récemment, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, dans le théâtre, sur Internet ou dans plein d'autres choses différentes. Marjorie, peux-tu commencer, si ça ne te dérange pas, par pur gentlemanisme ? Moi je voulais parler d'un livre parce que je lis. Voilà, je suis partie de ces gens. C'est le premier livre depuis l'histoire du podcast. Je crois, ouais. Non, mais parce que je pense que vous parlez souvent de séries et des trucs comme ça, et moi aussi je regarde Netflix comme n'importe quel être humain, mais en ce moment je lis le dernier Stephen King, et bien franchement, sûr. Je trouve que ça vaut la peine d'en parler parce qu'il est bien. D'accord. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'histoire ? Eh bien, écoute, c'est l'histoire. Ça se passe. Il y a une espèce d'apocalypse, en fait. Les femmes s'endorment petit à petit. Et quand elles s'endorment, elles ne se réveillent plus. Elles se retrouvent avec le visage entouré d'un espèce de coton chelou. Genre, il y a des filaments qui leur sortent du visage. C'est très bizarre. Ouais, ouais. Et si on essaie de les réveiller et d'enlever le coton de leur visage, elles se réveillent et deviennent très agressives et peuvent te manger des parties de ton corps, par exemple. Oh, bah. Non. Voilà. J'avais 16 blagues misogynes, mais j'ai décidé d'en faire aucune. Franchement, oui, vas-y, sens-toi très très à l'aise. Non, non, mais est-ce que parce que est-ce qu'il glisse, c'est bizarre comme concept. C'est très bizarre et bizarrement c'est cool. Voilà, j'ai pas fini le livre, je peux pas vous dire où on va avec cette histoire. En tout cas, les femmes disparaissent et ça. D'accord. Et déjà, ben, je trouve que c'est un concept intéressant. Ouais, ça fait des vacances. Oh là là. Mais marre-toi, Simon, putain. Peut-être que je rirai quand ça sera drôle. Waouh. Peut-être que t'as le nez trop près de la bouche. Il l'a écrit tout seul, je crois qu'il l'avait écrit avec son frère. Non, son fils. Son fils, pardon. Voilà. Ils l'ont écrit ensemble, du Exactement. Coup. C'est bizarre d'écrire un truc avec son fils, je trouve. Ouais. Enfin, je sais pas, je... Mais peut-être parce que mon père n'a aucun talent. Mais voilà. Peut-être, ouais. Ça dépend du fils, en fait. Ça dépend de l'amour. Ça dépend de l'histoire, elle est très chelou, très bizarre. Mais voilà, ça doit être ça mon problème. Ça doit être tout ce que tu viens de souligner. Donc voilà, un livre que tu conseilles et que tu as plutôt apprécié. Mais c'est de l'horreur, c'est Stephen King, de toute façon. Enfin, vu le pitch, de toute façon, j'imagine que c'est pas... C'est light, vraiment light. On n'est plus à la grande époque de Stephen King où ça faisait vraiment peur. D'accord. Mais c'est cool. Et surtout, j'ai pas payé ce livre, on me l'a envoyé. Donc... Ah oui, comment ça se fait ? Okay, c'est une OP, c'est une OP. Pardon, influenceuse sponsorisée par Warner. Pas du tout. Non, mais on me l'a gentiment envoyé pour me faire découvrir. Mais voilà. Qui te l'a envoyé gentiment ? Bah, l'éditeur. Stephen King, mon pote. L'éditeur que je citerai pas justement pour pas faire de la pub, parce que je veux rester très objectif dans facile mon avis. Facile à retrouver quand même. C'est promo. Totalement oublié qui c'était, en fait, c'est surtout ça. Mais non, non, c'est cool. Très bien. Voilà. Simon Astier. Oui. Alors, tu me dis... Oh, c'était un oui de 16i. Oui. qu'as-tu apprécié récemment que tu peux alors, nous partager avec nous ? Alors, je vais en parler brièvement parce que j'en ai plusieurs. Oh, mais non, mais surtout Liban. Je dirais encore, putain. J'ai adoré le spectacle alors, de Baptiste Le Caplain que j'ai loué sur iTunes. Et je trouve que... Lequel ? Origine. Le dernier. En fait, il y a quelque chose qui me charme de plus en plus, c'est quand on ne cache pas qui on est. Et ce garçon, que je connais un peu en plus, livre dans ce truc exactement ce qu'il est et sa réflexion et sa vitesse de pensée. Et je trouve ça extrêmement sincère. Et donc, il se cache derrière aucune technique, aucun principe de vanne ou d'écriture. Et il est complètement ce qu'il est. Et je trouve ça vraiment très drôle et très brillant et très vif et très rapide et très... Enfin, ouais, je trouve ça vraiment impressionnant. D'accord. Donc, et en plus, quand je l'ai loué, moi, je l'ai loué, ça m'a coûté 1 euro. Ah oui, c'est pas très cher. Donc franchement... une affaire. Une bonne affaire. Allez-y, parce qu'en plus, c'est pas cher. je crois que c'est sur Comedy Plus aussi, pour ceux qui ont Comedy Plus. Voilà. Je crois que c'est Comedy gratos. Plus, c'est gratos dessus. Voilà. Ça, j'ai une sorte de BD, mi... Karting. Mi-raisin, c'est... Ouais. Ça s'appelle Zai Zai Zai Zai. Ah, bah, je l'ai dans mon sac, là. Oh là là, bon. Mais... Comme quoi, vous détestez, mais... Comme vous quoi, proches, on a quand même des... Je l'ai pas encore lu, mais j'ai lu les deux... La première page, j'ai fait, ok, c'est marrant, je l'achète. Bah voilà, c'est très drôle, c'est très minimaliste dans le dessin. Alors, c'est écrit, c'est dessiné par qui ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu as toutes ces infos ? D'accord. C'est un auteur qui a fait pas mal de trucs que je connaissais pas avant. D'accord. On me l'a conseillé et effectivement ça te sort des rires idiots et francs et massifs quasiment à toutes les pages. Donc c'est à moitié absurde et à la fois pas le mauvais côté de l'absurde. C'est vraiment brillant. Mais ça raconte une histoire, c'est pas genre Franquin. Ça raconte une histoire. Ça part du principe que c'est un type qui est à une caisse de grand magasin et on lui demande. C'est Franprix. Ouais. Franprix, d'accord. Okay. Et on lui demande s'il a la carte de fidélité à la caisse. Et il dit qu'il l'a oubliée et ça devient un fugitif qui part en cavale dans tout le pays. Ah, c'est bien. Et voilà. Et c'est assez foufou. Bah oui, ça a l'air drôle. Et j'avais autre chose. Ah oui, j'avais autre chose. Le mec ah ouais, a trois donc trucs. Je savais pas qu'en fait on pouvait déballer comme oui. ça. Ah mais on peut. Moi j'ai rien en moi plus. Moi aussi donc j'ai ça d'autres trucs. Pilote. J'ai vu le pilote sur OCS d'une série qui s'appelle Barry. Ah, je l'ai maté aussi. Et alors c'est avec un gars dont j'ai oublié le nom, mais c'est tu connais forcément. Avec, oui. Putain, qu'on a vu dans tous les films. Bill Hader. C'est avec voilà. Bill Hader. Ah. C'est sa série. Qui est dans tous les films qu'on adore et tout. Et là il a le premier SNL. Rôle. SNL. Entre autres. Ouais, exactement. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Après, il faut attendre chaque semaine pour avoir un épisode, donc c'est un peu chiant. Je crois que c'est ça. Ouais. Mais le pilote, il est assez dingue. Et surtout, c'est l'histoire d'un tueur à gages ex-soldat américain qui rentre de la guerre et qui devient tueur à gages parce que c'est le seul truc qu'il sait faire. Et qui, en fait, va tomber en amour pour le théâtre. Ouais. Voilà. Et c'est pas cliché comme tous les trucs de rédemption ou de machin. C'est juste un vrai gars et je trouve ça assez drôle et assez intriguant pour être vu. Non, c'est voilà. Vraiment bien. Moi, j'ai trouvé ça assez cool. Bill Hader, en fait, il jouait, c'était l'autre flic avec Seth Rogen dans Superbad, oui. Par exemple. Et puis, il a joué dans plein d'autres films. Il a joué dans un film que je vous conseille qui n'est pas du tout connu. Mais si vous suivez un peu ce podcast, c'est un peu ces délires-là. C'est un film qui s'appelle The Skeleton Twins. C'est Kristen Wiig et lui. Ah, oui. Et il joue deux jumeaux, deux faux jumeaux. Enfin, non, des vrais jumeaux d'ailleurs, mais du coup, homme-femme. Et lui est complètement dépressif et elle n'est pas vraiment heureuse dans son couple. Et c'est très Sundance. Faut aimer ce genre de cinéma. Mais c'est un très beau film et je vous invite à le regarder. Alors, je crois qu'il faut le télécharger également. Il est nulle part. Mais il est marrant, ce film, ou il est triste? C'est pour ça que je dis un peu Sundance, parce que ça a ce côté Little Miss Sunshine où ça déclenche des vrais rires sincères, mais ça déclenche aussi la petite larmichette. Ce ne serait pas à l'image de la vie? Toujours en fixant Simon droit dans le regard. C'est vraiment vous qui ne voyez pas, vous échappez à ce truc, cette tension. Il est en face de moi, puis à chaque fois il se retourne, je suis troublé. Bon. Pardon. Donc pardon, ouais, Barry, c'est vraiment cool. C'est voilà. HBO, donc c'est sur OCS, je crois. À voir, exactement, voilà. Sur OCS, mais il faut attendre chaque semaine, ça mène jusqu'en, je sais pas quoi, en mai, donc c'est un peu chiant, mais voilà, c'est un truc à commencer. Et c'est rigolo, enfin on peut et dire aussi. Et c'est drôle, voilà. Et c'est super bien joué, et bien écrit, et voilà, je trouve ça vraiment super bien. Très bien. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci et Simon. Bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour tes autres conseils actu. Merci, merci. Sébastien, qu'as-tu apprécié culturellement récemment que tu as envie de partager avec tout bonnement la Terre, en fait? Eh bien, déjà, je suis d'accord avec le choix de Fab Caro, que je trouve vraiment incroyable. Et j'aime beaucoup aussi son dernier truc qui s'appelle « Si l'amour, c'était d'aimer ». Oui, ça, voilà. C'est l'important, c'est d'aimer. Et l'important, c'est la chanson des 10 commandements. Et ben, c'est possible. Oui, oui, exactement. Pas les 10 commandements, non, pardon. Pardon. L'envie d'aimer. C'est les 10 commandements. L'envie d'aimer, putain, l'important, c'est aimer, c'est Roméo et Juliette. Pardon, je suis désolé. Pas du tout, l'important, c'est d'aimer. L'important, c'est d'aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, pardon. Tout simplement. L'important, c'est la rose. Mais l'important, c'est d'aimer. Il y a une chanson aussi. L'important, c'est d'aimer. Sans s'abandonner. L'important, c'est d'y croire. Voilà. Il y a beaucoup de chansons avec le mot amour ou aimer. Ouais, c'est vrai ça, putain. Tu sais que je le dis dans mon 5 minutes sur scène. Non, je te jure. Et ouais, c'est génial, hein, Fab Caro. C'est incroyable. Il est très drôle. Et là, ça, les droits de Zay Zay Zay, d'ailleurs, ont été achetés pour du théâtre et même, je crois, pour des adaptations audiovisuelles. Au cinéma, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et pour du théâtre aussi, je crois qu'il y a les deux trucs. Il a balancé ça, mais il est fou de talent, lui. Et alors, du coup, ça, enfin, ouais. Voilà. Et mais parce que du coup, ça me plonge dans la BD. Sans tes notes, sans tes notes. Non, je fais 100 notes cette fois parce que je me dis que c'est peut-être ça qui a foutu le Dawa la dernière fois. C'était très bien la dernière fois. C'était super. Ça, il y avait un hommage à Jean Rochefort la dernière fois d'ailleurs. C'est vrai. Qui est parti au chiottes. Ah, l'hommage, évidemment. Un grand homme. Grand homme qui nous a quittés. Donc il y a non mais oui parce que si on aime ça il y a tous les trucs de Éric Veillé aussi qui est un auteur de BD pas du tout connu qui en a fait qu'une seule qui s'appelle Le sens de la vie et ses frères, c'est chez Cornelius et c'est génial comme truc. Tu rigoles parce que c'est le titre est bien, le truc ah oui, drôle parce que je croyais que j'avais un visage risible. Mais bon. Sinon vous êtes tous très sur la défensive. Il se passe un truc il y a une ambiance assez... vous avez faim on est un peu la dalle, ouais. Oui, il faut savoir qu'on a commencé très tard cette émission parce qu'Adrien est arrivé très en retard parce qu'il sauve des gens dans la rue. Il avait une bonne excuse. Raconte, mais si t'en meurs d'envie. Non, en plus, j'ai rien fait. Bon, si Ataria, c'est exactement ce que le Batman un héros. Du 13e. Ouais. Ouais. Mais c'est ridicule. Ouais, c'est juste que je suis obligé de raconter. Ouais, alors tu racontes en fait. Vas-y, vas-y. Ah non, mais je veux dire ne pas raconter. Raconte ta fausse histoire. Je finis mes trucs et après tu racontes. Voilà. Alors, juste rapidement, moi j'ai découvert Extras de Ricky Gervais que je connaissais pas. Je trouve ça ouf. Ouais, je trouve ça extrêmement bien écrit. J'adore le fait que ça parte sur une espèce de high concept basique d'histoire des figurants et que ça s'envole vers un ailleurs sur des problèmes de production, des choses comme ça, etc. Et même de célébrité pour lui, du coup. Et des problèmes de célébrité derrière et que ça rejoint sa propre vie. Je trouve ça te parle de ta vie. Je trouve ça magnifique. Oui, je me retrouve vachement dans la fortune de ce personnage. Et sinon, la saison 3 d'Evil Dead, moi j'adore Evil Dead en série. Je trouve ça. Ouais, H versus Evil Dead. Comment H versus Evil Dead, c'est oui, exactement. Netflix, je crois, maintenant en plus. Oui, non, oui, je le regarde complètement sur un médium payant. Mais oui, pas oui. du tout en illégal. Mais bah, à mon avis, non, du coup. Non, c'est pas sur. C'est pas, non, je crois que c'est sur. Ouais, sur Netflix. Sur Netflix, il y a les deux premières saisons, c'est sûr. Ah, d'accord, oui. La troisième, j'ai un doute. Ouais, peut-être c'était plus illégal. Okay. Mais la troisième, elle a l'air vachement bien. Les gens qui la regardent aux États-Unis, ils ont l'air de dire que c'est. T'as un cousin américain qui l'a kiffé, ouais. Et j'ai toujours les mêmes avis que lui. Et sur tous les sujets. Et du coup, je peux m'engager et dire que c'est vraiment. Mais pour le coup, Extras, c'est vraiment drôle et c'est vraiment bien. Extras, les gens peuvent le télécharger également parce que c'est disponible nulle part. Et non, c'est sur. Ah oui, t'as raison, c'est la vie de Warwick Davis, là. C'est Life's Too Short sur, oui, ça, c'est sur Netflix. Qui est un peu moins bien. C'est un peu moins bien. Ouais. Et Extras. Mais c'est drôle quand même. Il y a des trucs drôles. Il y a des trucs très drôles. Le truc avec Liam Neeson. Liam Neeson, c'est fou. Le truc avec Liam Neeson. Qui fait du stand-up. Génial. Incroyable. Super, je peux pas le faire. Et dans l'épisode de Noël, il y a Val Kilmer aussi qui. Ils veulent sans spoiler le truc, ils veulent monter la prod de Willow 2. Et Val Kilmer a une espèce de petit jeu où il se déguise en Batman et je ne dis pas plus. Okay. Mais on est d'accord que ce qui est bien dans Life is Too Short, c'est ce qui aurait pu être bien dans Extras quand même beaucoup. Parce que l'histoire du héros, elle est quand même pas méga intéressante, quoi. Warwick Davis, ouais. Sa vie, elle est pas. Tu hais les nains ? Je les méprise au plus haut point. D'accord. Mais dis-le dès le début, ouais, parce que les gens savent pas forcément. Mais j'avais peur que ce soit un peu tendancieux comme avis. Non, mais il faut. Voilà. Il faut qu'ils aient les infos, les gens, quoi. Flaubert hait les nains et les gens qui n'ont pas un physique dans la norme. Alors. Mais toi, c'est vrai que toi, c'est un truc sur lequel t'as pas trop de problèmes, les gens en général, et quand ils viennent te voir pour te demander de l'aide, t'es le premier à sortir ton téléphone. Absolument. Quand ils sont, alors, par exemple, enfin, je sais pas, c'est la meilleure transition que j'ai entendue toute ma vie. Alors, elle était top. Incroyable. Non, sinon moi donc j'ai pas grand chose parce que je bossais, tu vois, j'avais pas le temps de mater des trucs. Non, si j'ai vu Three Billboards. Ah, je voulais trop le voir. Surtout que tu vas jamais au cinéma, aussi. Toi. Je l'ai pas vu au cinéma. Ah d'accord, yes. Wow, bah, bravo. Mais donc alors quoi ? On sur le cinoche ? J'ai fait un chèque à la prod. J'ai dit tenez. Ça c'est cool. Ça c'est sympa. J'ai téléchargé votre film. Tenez, un petit billet. Ça c'est sympa. C'est des euros et vous y gagnez avec le taux de change. Ouais, c'est sympa. Là, c'est cool de ta part. Non, ouais, je l'ai téléchargé, voilà. Ok, quoi ? Vous avez jamais, hein ? Il a téléchargé une série entière ? Non, pas du tout. Non. Pardon ? Non, laquelle ? Et alors ton avis, Extrage ? Non, H versus Evil Dead, tu l'as pas téléchargé peut-être ? Non, c'est mon cousin. Il y a une mauvaise ambiance. Ouais, non, mais on juge. Qu'il a en lui, elle est. Attendez, on a jugé personne sur le téléchargement. Moi, je dis, j'ai téléchargé un. Excusez, ça y est. Non, pardon, mais personne te juge, d'accord ? Pardon, attendez, moi, je travaille sur. La série. Pas, putain. C'est bon là maintenant. Non, on peut toujours pas le dire. Bon, on n'a pas le droit. Bon. Non, mais c'est vrai qu'Adrien est un peu stressé parce qu'il a eu une montée d'adrénaline parce qu'il a sauvé la vie d'un mec. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il arrive en retard. Il est encore dans l'adrénaline. Voilà. Arrêtez. Non, donc je suis Billboard. Arrêtez. Je vous en prie, taisez-vous. Non, bah c'est super. Je raconte l'histoire rapidement. Je t'en supplie. C'est une femme dont la fille. Je raconte à chaque fois, moi, les trucs que je raconte, c'est vraiment le pire de l'humanité. Ouais. Adrien, une espèce de running gag dans le podcast où c'est tout le temps les pires sujets avec des gens à qui il arrive vraiment des généralement, trucs. Généralement, c'est des documentaires. Là, c'est au moins une fiction, mais ouais. À qui il arrive des trucs un peu durs, exemple. Exemple, donc une femme dont la fille a été violée et brûlée derrière, vive. Ouais. Voilà. et en gros, c'est dans une petite ville. Ça nique à Noël. Hein. De je sais plus quel état, j'ai oublié, mais une ville un peu rurale. Et du coup, comme elle estime que la police ne fait pas son taf, elle loue trois grands panneaux publicitaires sur le bord d'une route et elle écrit dessus, je sais plus, enfin en gros, elle interpelle le chef de la police pour lui dire, mon gars, qu'est-ce que tu fais quoi ? Mais en le nommant et tout. En le nommant, quoi. Voilà. Et en gros... donc il y a un petit truc justement, elle lui pose une question genre bah alors qu'est-ce que tu fais mec, et du coup c'est pas de la calomnie, enfin c'est pas le terme exact, mais parce que c'est une question, diffamation, c'est pas de la diffamation exactement, parce qu'il y a une question, enfin il y a tout un truc comme ça, et en fait c'est hyper sensible parce que on peut se dire ah ça va partir en guerre machin etc, et en fait oui un peu genre le chef de la police la mauvaise, mais en même temps tu vois toute une vie de petite ville rurale où en fait bah elle le connaît le mec, donc elle est pas complètement à charge contre lui, et enfin, il y a des trucs hyper tendres, il y a beaucoup de surprises. Mais c'est fou, quoi. Ouais. Mais il y a des trucs hyper tendres, enfin, c'est vraiment trop bien. Un personnage principal féminin qui est vraiment bien et tout. Il y a plein, d'ailleurs, plusieurs personnages féminins qui sont vraiment cool. Et d'ailleurs, tous les personnages sont bien. Et, c'est vraiment C'est super. Voilà, c'est un super film. Ouais, tu lui mettrais. Si t'avais eu à le payer pour le voir, t'aurais mis combien? 8000 balles. Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai énormément d'oseille. Ah oui, c'est ça. Bon, voilà, ouais. Pas mal. Et sinon, une appli, parce que bah, on dit pas souvent des bon, applis. On est un peu geek ici, elle de toute est... façon. Elle est pas nouvelle, mais s'il y en a qui aiment bien faire de la musique, il y a une appli de Korg, la marque d'instruments de musique électronique. Bien sûr. Il y a une appli qui s'appelle Korg Gadget, qui est sur iOS et peut-être sur Android, je sais pas, et qui va sortir sur Switch. Bah alors ? Eh oui, bah oui, parce que Nintendo, ils sont dans les bons coups. Déjà, il y avait des applis Korg sur DS à l'époque. Eh oui, les gamers. Je parle de ça. Ouais. Et enfin, non, les c'est... gamers et les fondus de zik. Et les musicaux, surtout. Ouais, ouais. Les fondus de zik, ouais, bien sûr. Non, et en fait, c'est hyper... Enfin, c'est voilà. Même pour des gens qui ne sont pas vraiment musicalement doués ou qui n'ont pas la théorie et tout. C'est à la vraiment... différence de toi, par exemple, qui est quand même. Non, c'est ce que je viens de dire, comme non, moi, toi, j'ai dit. Non, mais toi, t'es super, mais tu mens aux gens. T'es toi, super. Tu publies quand même des trucs, des fois, c'est quand même pas oui, mais bossé quand même. Non, mais parlant. J'ai non, pas, mais bien, je connais pas le solfège. Simon, t'essaies de regagner son affection par ce compliment. C'est de la contre-manipulation. entre deux enfants sauvés, t'as quand même le temps de composer des petites mélodies, quand même. Non, mais bon, arrêtez avec ça, déjà. Mais raconte-le, on a tous envie de savoir en plus en détail. Bon, je vais passé. Te dire vite fait. Je sortais de prêt à manger, où je vais manger une excellente soupe. Ouais. Et il y a un jeune garçon qui m'a dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez appeler le 17? Je viens de me faire dépouiller. Et là, et en fait, n'écoutant que ton courage. Bah non, mais du coup, en fait, ça faisait 2 heures. En fait, mais c'était assez horrible comme histoire. C'était, ça m'a un peu, enfin, ça m'a fait mal au cœur. C'est en fait, il arrivait, il avait une valise et tout quoi. Ah oui, d'accord. En fait, il est arrivé gare d'Austerlitz. Il y a quelqu'un qui devait venir le chercher. Et en fait, pendant qu'il fumait sa clope en attendant les gens qui venaient le chercher, il y a genre il y a 2 gars qui sont venus et qui ont commencé à le menacer et tout. Et les mecs l'ont baladé pendant 2 heures à lui prendre son portable, ses chaussures, sa veste, sa carte bleue et tout machin. Tu les as démontés. Alors, je fais 824 au jeu du coup de poing dans la salle d'arcade. Bien sûr. Je me suis entraîné pendant une semaine, je leur ai mis une grosse droite dans la gueule, mon pote. One Punch Man, il serait mort. Non, ils sont partis. Je me serais chié dessus. Ouais, clairement. Non, mais ils l'ont menacé. Enfin, c'était horrible. Il était pas bien et tout. Du coup, j'ai appelé les flics, j'ai fait la dépollution. Je lui ai donné ce que j'avais comme argent sur moi. Parce que machin. Et portable, en fait, je venais de commander mon Uber et du coup, on l'a déposé au commissariat. C'est pour ça que j'étais en retard. C'est pour ça que tout le monde se moque de moi. Est-ce qu'on peut faire une petite salve d'applaudissements? Non, mais si, c'est vrai. Je tiens à préciser mais que je ne voulais pas raconter, vous m'avez forcé. Pas donc du je tout. Passe mais pas, c'est on bien, pas des mais c'est sportives. Bien, mais c'est bien. Je passe pour un mec qui se vante. Mais pas du tout, tu montres l'exemple. Pas c'est du tout. Bien. On souhaite beaucoup de mal à ces gens qui ont agressé ce jeune homme. Je vais juste rajouter un truc. J'avais tout inventé, c'était faux. Je profite du bad buzz de Grégory Yotin pour prendre sa place. Non, voilà. Je suis dans TPMP dès lundi. Non, oui, voilà. Donc, bah voilà, si vous aimez faire de la musique, c'est vachement l'interface Korg Gadget, voilà. Korg Gadget. Très, très bien fait, très cool. Android et Apple. Je crois, et Switch, bientôt. Et Switch, bien sûr. Et donc, il y a une version gratuite qui est cool. Et si on paye un peu, alors c'est un peu cher parce que bon, ouais, c'est il faut tout le temps payer. Et là, on a accès à tous les synthés virtuels, les boîtes, les trucs. Et là, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous. Et puis, voilà. J'ai été surpris par la conclusion. Eh bien, moi, pour ma part, je suis allé au cinéma. Alors, j'ai vu. T'adores le cinoche. Bah alors, encore une fois, comme je suis un mordu. Je suis un mordu. Enfin, plein de trucs en U. Et alors, j'ai vu plusieurs films. Il y en a un qui était un peu chelou et j'aimerais en parler parce que c'était vraiment très bizarre. Je suis allé voir un film qui s'appelle Chien. Ah. Donc juste Chien, qui est écrit et réalisé par Samuel Benchetrit ou Benchetri, je sais jamais. Chetrit. Et en fait, c'est l'histoire de Vincent McCain. Je ne réussirai à dire aucun nom. C'est le mec qui fait la frite. Ouais. Oh, elle est bien. J'arriverai à dire aucun nom des comédiens de ce film. Et donc, sa femme, le lard. Avec c'est... François Cluzaï. En fait, il y a Vanessa Paradis. J'allais faire Vanessa Paradis. Ah, donc, il est avec Vanessa Paradis qui le quitte. Du coup, tu l'as mal ouais, dit. T'as dit Vanessa. Vanessa, ouais. Panayotis Pasco. Donc, Vanessa Paradis, elle le quitte. Et en fait, tout le film est une métaphore de la société qui lui donne des ordres et lui parle mal, un petit peu comme un chien. Et donc, ce qui est bien, c'est... Antisocial, tu perds ton sang-froid. Ah, ah les pizzas sont arrivées. Bah, va les chercher, s'il te plaît, Adrien. Ok. Oh. Ouais. Ok, maître. Bah non, pas tout. Tu as parlé comme un chien. Oui, elles sont payées par moi. Ah. Je le dis à l'antenne parce qu'ils sauvent des gosses, moi je paye des pizzas. Donc, chacun son truc. Et juste, sur Chien, donc c'est vraiment une... Ça a de l'intérêt parce que Vincent McCain est vraiment un bon acteur et qu'il le fait vraiment très bien. Mais c'est quand même une longue métaphore d'1 heure et demie sur un gars qui... Tu sais, à un moment, tu fais OK, donc il lui donne des ordres comme un chien. C'est quoi, trop fromage. Alors, vous allez être surpris, mais il n'y a pas du tout un Italien qui est rentré. C'est Adrien, en fait. Mais même nous, on a le visuel et on y a cru, en fait. Ça, c'est dingue. Grazie. Et donc, voilà, Chien, c'est vraiment très bizarre. Et je crois que je ne l'aurais pas vu au cinéma. J'aurais coupé avant la fin parce que c'est quand même très lent. C'est vraiment très contemplatif et tout. Et, mais par contre, je me suis dit que Bully Lanners est vraiment une bête d'acteur parce que lui, du coup, il joue un... En gros, il joue le gardien d'une animalerie. Et il est extraordinaire dans le film. Et pour les petites anecdotes... Parce que des fois, le monde du casting, c'est très surprenant. À la base, ça devait être pour Jean-Claude Van Damme, son rôle. Ben Chetrit voulait Jean-Claude Van Damme. Et apparemment, c'est assez drôle, parce que quand Ben Chetrit en parle, il fait « Oui, on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde pour le perso avec Jean-Claude. » C'est les deux noms les plus opposés du... C'est ça. Ben Chetrit, Van Damme. C'est ça. Bah, après, je t'invite à imaginer Bully Lanners dans Kickboxer. Ça peut être vraiment top. Mais en tout cas, ouais. D'ailleurs, ils vont faire un Kickboxer, je sais pas, le cinquième. Genesis ou un truc comme ça. Il y a un casting qui est incroyable. Mais moi j'avais vu un. Il y en a deux, c'est le deuxième ouais, qui ressort. Il y en avait déjà eu un et ça c'est la suite du reboot. Tu voilà. vois ouais, il y a Lambert. Et il y a Ronaldinho qui joue dedans. Quoi ? Ainsi que Mike Tyson. Ah. Entre autres. Et Van Damme ou pas ? Oui, oui, Van Damme et Lambert. C'était une très mauvaise. Et Christophe Lambert, ouais. Exactement. C'est ouais. genre casting de taré, quoi. Mais après, le remake de Kickboxer n'était pas très bien. Moi, je l'avais vu et j'avais trouvé ça un petit peu. Est-ce que c'était celui avec Cody de Notre Belle Famille ou pas ? Non, ça, c'était la suite à l'époque. C'était le 3 ou le ouais. 4, ça. Ouais. Parce mais que... il en a fait plusieurs, Cody. Hein. Ah ouais, non, mais sous ses airs de grand duduche. De grand dadé. Dans Notre Belle Famille, le mec maîtrisait les arts martiaux quand il même. Il se fait tout mal fait. Quand il mange de la glace, il se tient comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Et pour vous conseiller un film que j'ai par contre très apprécié et la tutosphère est au courant parce que mon tweet a été sponsorisé, donc autant vous dire que... Ouais. D'ailleurs, dans les toilettes, j'ai vu des petites enveloppes Warner, c'est ouais, celles filé... qui ouais, bah, ont envoyé le chèque, j'imagine. C'est exactement ça. Non, parce que pour les gens qui ne sont pas au courant, en fait, j'ai été voir Ready Player One et j'ai eu la chance d'être invité à une avant-première. Et le film, est... j'ai vraiment apprécié le film, j'ai vraiment trouvé ça vachement bien. Une claque. J'ai juste dit que j'avais... Moi, j'ai juste dit... J'ai trouvé ça super. Ouais, mais comme tu as été invité, on va croire que tu es au service. C'est même pire que ce qui s'est passé. Puisqu'en fait, donc j'ai dit, en fait, le tweet que j'ai mis était une photo de Spielberg où j'ai mis une phrase de Booba. Donc c'est vraiment, voilà, où j'ai mis détrôner le duc restera du jamais vu. Parce qu'en réel, j'ai trouvé que Ready Player One, c'était ouf, quoi. Et en fait, j'ai été invité en avant-première pour voir le film. Donc je partage mon tweet et en fait, Warner me dit bonjour, est-ce qu'on peut utiliser ton tweet dans dans ton avis. Donc moi je pensais que c'était l'avis qui demandait à la sortie de la salle machin et tout. En fait il y avait une caméra et on parlait à un micro et tout, donc moi je me suis dit peut-être ce serait ça, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut utiliser ton avis pour la promotion de notre film? Donc moi je suis là genre oui, le film est cool, ça me fait plaisir, c'est cool, je vois pas trop comment vous allez faire parce que je cite vraiment une chanson de Booba, donc je vois pas trop comment vous allez citer ma critique, mais ok. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sponsorisé mon tweet. Et en fait sponsoriser le tweet, je savais pas du tout ce que c'était. Et moi, ils m'ont jamais dit qu'ils allaient le faire. Du coup, j'ai découvert ça un peu en même temps que tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent ton tweet et il apparaît dans le fil d'actu de la terre entière qui ne te connaissent pas, qui machin et tout. Et donc, avec la phrase, avec le tweet original, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une copie, ils font machin, ils prennent le tweet original. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire déjà qui j'étais, parce qu'ils ne savaient pas. D'autres qui m'ont dit que j'étais un vendu, d'autres qui me disaient que je vendais, que j'avais été payé pour ce tweet et tout. Donc voilà, je profite de ce podcast pour faire taire les rumeurs, les médecins. T'as été payé. Et je n'ai pas été payé, vraiment. Et on a eu... j'ai juste donné mon avis. Et il faut savoir, j'aimerais quand même le dire aux gens, que j'ai la chance d'être invité à d'autres avant-premières, d'autres films, et que si je n'aime pas le film, je ne le dis pas, en fait. Je ne suis pas critique, je suis juste quelqu'un qui aime bien voir des films et qui en parle ici même. Et j'ai daubé sur beaucoup de films ici aussi. Et là, Ready Player One, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et donc voilà, mais on ne m'y reprendra plus. Et puis je remercie quand même Warner déjà pour les 500 €. Et... non, mais parce que du coup, je leur envoie un message en disant est-ce que vous pourriez arrêter de la sponsoriser, parce qu'en fait, c'est chiant, je me tape tous les relous de la terre qui me prennent la tête. Et ils l'ont fait très vite, en fait. Ils n'étaient pas du tout contre ça. Même si, quand même, je préfère pour ouvrir un peu quand même le truc, je comprends qu'on ne comprenne pas le truc. Le mot sponsorisé est très bizarre. Effectivement, tu lis sponsorisé, tu dis bah oui, il y a des gens qui ont été payés. Eh bien, ce n'est pas un bon choix de mot de la part de Twitter. La seule personne qui a été payée, c'est Twitter, ici. C'est Warner, en fait, qui a donné de l'argent à Twitter pour que certains tweets apparaissent plus que d'autres. Mais moi, je n'ai pas touché d'argent. Voilà, je voulais rétablir la vérité pour les gens que ça intéresse. Tu l'as vu aussi, toi, Marjorie ? Oui, j'ai eu la chance aussi d'être invitée. Première, ouais. Et t'as bien aimé ? Des bouquins, des avant-premières. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Alors, je pense que je suis pas assez geek pour avoir toutes les références du film. En fait, j'étais vraiment dans la salle en plus où il y avait genre, voilà, il y avait Squeezie, tous les gros gamers, et il y avait des vannes où tout le monde faisait. Moi, ouais. je l'ai pas. Là, je l'ai pas. Ouais. Mais du coup, c'est hyper riche en références. Bah, d'ailleurs, c'est ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas dans ce film. Oui, j'étais à côté d'une personne qui n'a pas aimé. Ouais. Parce que bah, ça fait trop, peut-être trop truc à référence. Mais c'est vachement bien parce que ça ouvre du coup à la culture des films passés, des jeux vidéo passés. Et c'est chouette. Voilà. Ouais, moi, ça m'a fait penser à Roger Rabbit. En fait, on faisait pas cette critique de Roger Rabbit. On disait pas de Roger Rabbit. Ah, regardez, oui, c'est vrai. Vous nous rebalancez du Bugs Bunny. Ouais, bon, on a bien compris ce que vous vouliez faire alors. Hein, vous voulez nous faire de la pub pour Bugs Bunny. Je sais pas, moi j'ai pris ça comme un espèce de Roger Rabbit d'aujourd'hui. C'est plus hommage en fait, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il y a un vrai truc d'hommage. Ouais, c'est cool. Il y a une scène, on va pas la spoiler ici, mais en milieu de film, quand c'est la deuxième épreuve, qui est vraiment formidable et impressionnante. Et je trouve que c'est la scène qui explique, enfin qui prouve que c'est pas juste un trip nostalgique chelou à la Stranger Things, où des fois c'est peut-être un peu gratos effectivement. Et là, je trouve les références assez bien pensées, assez bien placées. Et alors, est-ce qu'à part certaines vannes, t'es quand même dans l'histoire, même si t'as pas les références? Ah non, mais complètement, bien sûr. Bah, de toute façon, il est fait de manière intelligente pour que, évidemment, les gens qui n'ont pas toutes les références arrivent quand même à rentrer dans l'histoire. Mais c'est ouf. Moi, tout le film, je l'ai fait en disant, mais c'est génial, c'est génial. Parce qu'en fait, tu dis, le mec, bon, Spielberg, évidemment, personne n'apprend que c'est un cinéaste incroyable. Mm. Mais tu dis, c'est vraiment un cinéaste incroyable pour une raison particulière, c'est que le mec s'adapte sans arrêt à l'ère du temps. Et là, il arrive à être pile dans ce truc de... À la fois, il parle d'un truc hyper moderne, des jeux vidéo, du futur. Et en même temps, il a capté qu'en ce moment, on avait une vraie nostalgie de plein de trucs des années 80. Le rétro, c'est carrément à la mode. Donc, il y a ça aussi dans son film. Il y a vraiment un équilibre entre tout ce qui représente notre génération, notre époque, en fait. Du coup, je dis vraiment, le mec est trop fort. Bah, voilà. C'est du business, quoi. C'est aussi du business. C'est pour faire le buzz. C'est pour faire le buzz. Ouais. Non, et surtout qu'il fait ce film. Enfin, on s'en fout, il fait kiffer les gens. Non, mais c'est un argument en vrai. Elle parce est énervée, que... putain. Mais non, pas du tout. Mais je suis vraiment, j'ai fait la séance avec quelqu'un qui a détesté le film. C'était qui? On peut ne pas le dire. Ouais, on peut le biper. Je peux le dire. Bon, je pense qu'il l'assume. Pierre Lapin a détesté. Ah oui, alors attention, oui, Pierre Lapin, on s'en bat les couilles. Non, et voilà, non, mais j'essaie de réfléchir à d'où venait cette colère parce que le mec était vraiment en colère. Ouais, il est en colère. Et il était en colère. Mais si vous le suivez sur Twitter, il est en colère. Il est en colère. Après, voilà, c'est peut-être sa personnalité de tous les jours. Je le connais pas assez pour. Il a le cœur noir. C'est bien, il faut le voir. Au moins pour avoir un avis. Et en plus au cinéma, je pense que c'est vraiment cool. Oui. Mais justement, ça m'offre un peu une espèce de mini transition. Elle est excellente. Elle est plutôt excellente parce que je voulais parler un peu de nostalgie, parce que c'est du coup très dans l'air du temps, notre rapport à la nostalgie. J'ai autour de la table un peu des gens un peu geeks ou des gens qui ont un rapport à la nostalgie. Marjorie, toi, je sais que t'as un truc un peu différent. Bon, j'adore ça. Moi, tout ce qui est vieux, voilà. Tout simplement. En général, j'adore. Tu sors avec quelqu'un qui a 82 ans, d'ailleurs, on peut le dire. Quelqu'un plus âgé, en tout cas, c'est certain. C'est sympa. Et du coup, je voulais qu'on en parle un petit peu. Et je voulais commencer un peu par toi, Simon. Je te prends. Bah, il s'est réveillé. Je te chope à la gorge. Il y a un tiroir, il y a la poussière, j'en fais la poussière avec mon toit. Ouais, il y a un peu de poussière sur mon appartement. C'est gentil de m'afficher au grand jour. Des problèmes. Ma meuf vit loin. Chacun sa névrose. Voilà. on le voit à travers HeroCorp surtout, parce que c'est un peu le truc qui t'a pris le plus de temps, j'ai l'impression, dans ta vie professionnelle. Et voilà. Ça a pris un tiers de ma vie. Ouais. Voilà, donc on peut dire à partir d'un tiers que c'est pas mal quand même. Que ça commence à faire beaucoup, ouais. Beaucoup, beaucoup même. Il y a un peu ce truc de références qui sont un peu avalées, qui sont un peu digérées. T'entretiens quelle relation, toi? Est-ce que tu aimes faire des... Comment dire? Est-ce que tu aimes, par exemple, faire des clins d'œil parce que tu aimes ce cinéma-là, ou est-ce que parce qu'il t'a apporté des choses au fond de toi? C'est quoi un peu ton rapport avec ces films qui t'ont forgé Alors, il y a les clins d'œil assumés, il y a les clins d'œil qui sont vraiment inconscients aussi, mais moi, je pense que dans mon rapport au passé, déjà, globalement, je pense que les premiers amours sont les plus purs. Mm. Donc, du coup, tout ce qui m'a charmé étant enfant a pris une place douce qui est restée là. Et en fait, aussi, mon histoire de vie fait que j'ai grandi devant des films et que j'ai appris beaucoup en regardant des films. Ça avait une place centrale dans ma vie, l'image, en fait, l'histoire à l'image. Donc, forcément, aujourd'hui, dans tout ce que je fais, j'aime bien... quand il y a un univers qui est loin de ce qu'on vit au quotidien. Et ça correspond à effectivement un vent de cinéma d'une époque certaine. Ouais. C'est moins le cas aujourd'hui. Enfin, maintenant, c'est plus ces films-là. C'est plus des... on n'a plus la même liberté de création dans les films de genre comme il y avait à l'époque où il y avait, c'était mi-comédie, mi-fantastique et c'était débridé complètement. Aujourd'hui, c'est plus rentré dans une industrie et c'est plus des recettes qu'on essaye de réappliquer alors qu'à l'époque, il y avait un vent de création qui était assez fou. Donc, je ne sais pas si vraiment, je volontairement, quand j'écris des choses, je fais appel à des trucs que j'ai vus ou qui m'ont marqué, mais en tout cas, je pense quand même que ça a une place importante. Parce que c'est ma sensibilité à moi. Ouais. C'est ce que j'aime, moi, profondément, c'est cet univers-là. C'est qu'on m'emmène ailleurs. Et au final, me raconter une histoire sur les gens et sur les rapports entre les gens et sur... Quand c'est dans un cadre qui est loin de mon quotidien, ça me permet de pouvoir être plus ouvert à ce qu'on parle de l'humain. Et encore aujourd'hui, genre, je ne sais pas si tu as vu La Forme de l'eau ou des trucs comme ça. Est-ce que quand on utilise des gros trucs fantastiques pour parler de rapports humains et tout, est-ce qu'il y a des films récents qui te touchent encore de ça ou tu as l'impression que c'était quand même... Ou est-ce que c'est lié, tu penses, à la... Peut-être, je ne sais pas, la candeur d'un enfant, quelque part. Non, mais sûrement. C'est une question que je me pose. Une forme de naïveté... moi, par exemple, le dernier film qui m'a vraiment plongé dans une émotion folle, c'est Coco. Ouais. J'ai mis... Gad Elmaleh. Ouais, voilà, forcément. J'ai mis une demi-heure à sortir de la salle. Ça m'a soufflé ce film en fait. J'étais soufflé. J'étais soufflé. Attends, t'étais comment? J'étais soufflé. Carrément quoi. Ça et puis Get Out. Get Out. Ah, rien à voir là pour le coup. Rien à voir. Vraiment... Mais dans ces deux films là, l'univers, le monde qui est dépeint, il est très loin de ce qu'on vit. Et ça parle du rapport à la mort, et ça parle du rapport à l'acceptation, et ça parle de plein de choses très très humaines. Mais on est très loin d'un truc urbain contemporain très réaliste en fait. Ouais. À chaque fois, par l'atmosphère et l'ambiance, on est ailleurs. Donc, par exemple, tu parlais de Stranger Things. Ouais. Moi, j'arrive pas à rentrer dedans et je suis dégoûté parce que vraiment tout le monde adore. Et je ne vois que les mecs qui font une réunion en disant il faut qu'on chope tous les gars de 30 ans et il faut que ça marche sur eux, donc on va faire les références à tout ce qu'ils ont aimé. Et après, je suis pas grand chose pour dire ça, mais ça ne m'agrippe pas. Ouais. Parce que je ne vois que la recette. Et en fait, pour moi, tu ressens ce truc là, tu sens vraiment un truc de... Ben en fait, souvent j'ai l'impression qu'on essaye de refaire des recettes déjà faites d'avant. Ouais. Parce que notre génération commence à prendre le pouvoir, entre guillemets. Ah bah oui, de toute façon, il y avait un documentaire, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'est Suck My Geek, mais je ne suis pas sûr, mais qui parlait justement un peu de l'évolution des univers un peu geeks et qui disait qu'en gros, début 2000, ça prouve, c'est le moment où les nerds ont un peu pris le pouvoir sur plein de trucs. Et par exemple, les plus gros succès du cinéma, c'était fait par c'était Spider-Man et c'était Le Seigneur des Anneaux, en gros. Et que ça monte, c'était les 2-3 ans où vraiment ça a inversé la tendance. Le dernier un peu grand film classique, c'était Titanic. Et derrière ça, c'était les trucs un peu plus. Donc Spider-Man, Le Seigneur des Anneaux, des trucs adaptés de BD. Et après, maintenant, on le sait, c'est Disney avec les Marvel, les trucs. Et est-ce que tu crois, est-ce que vous croyez, et d'ailleurs je vais même passer à Sébastien, parce que tu regardes un peu les Marvel, les trucs comme ça en ce moment ou... Oui, j'ai beaucoup de mal pour le coup. Parce que pour le coup, ouais, on est sur une recette qui ressemble un peu. Tu parlais de Simon, du fun, enfin des blagues et un peu des univers enchanteurs. Marvel, c'est complètement inscrit dans ce truc-là où on met des blagues et de l'univers enchanteur. Et pourtant, bizarrement, celui que j'aime le plus dans l'univers Marvel, je crois que c'est Iron Man 3 de Shane Black, qui était le scénariste de. Mel Gibson et Danny Glover. L'arme fatale. Et Last Action Hero. Voilà, exactement. Et c'est mon épisode préféré, enfin mon film préféré, je crois, justement, parce qu'il est complètement en train d'assumer un vrai recyclage de films des années 80. Ça se passe à Noël. Il y a un petit garçon qui répare des trucs dans son garage. Enfin, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup. Et puis surtout, c'était un film qui était fait à la base, je crois, pour arrêter Iron Man. C'est-à-dire, c'est le moment où Robert Downey Jr. dit on va arrêter, je vais faire venir Shane Black qui m'avait sorti du gourbi avec Kiss Kiss Bang Bang et donc on va dire qu'il n'y a plus besoin de sa pierre là au milieu, enfin de son opération faire fonctionner l'armure, blablabla. Et j'adorais le fait qu'il tue le mandarin aussi avec Ben Kingsley qui fait il le tue pas, mais en fait non, c'est qui le tue, je veux dire, c'est un acteur qui a la chiasse alors qu'à la base c'était le grand méchant de ouais, c'est ça, spoil quoi. Bah, c'est un acteur qui a la chiasse. Je t'ai spoilé Iron Man 3. Non, je l'ai vu, moi. Le méchant, c'est un acteur qui a la chiasse. Je l'ai vu, moi. Et puis, ça m'a choqué aussi parce que ça prenait à rebours justement l'horizon d'attente en commençant par FL65. Ça commence par un bleu d'Abadi Dabada et l'autre commençait par un ACDC. Et tout ça, j'y étais assez sensible. Mais je crois que d'une manière générale, je suis assez sensible aux gens qui essayent de parler d'autres choses tout en réutilisant les recettes. C'est pour ça aussi que Star Wars épisode 7, bon, j'en ai marre d'en reparler, mais je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il dit quelque chose de la transmission, du rapport personnel qu'entretenait J.J. Abrams à sa découverte de Star Wars. Et moi en plus, mais ça c'est parce que j'ai un œil en coulisses tout le temps et c'est chiant, mais je vois aussi l'impossibilité de faire ce film et de quand même réussir à raconter quelque chose de la paternité, etc. et du recyclage, des trucs comme ça. Enfin, je sais plus exactement quel était les films Marvel. Voilà. Non, en fait, parce qu'en ce moment, j'ai un gros problème avec le fait de recycler les mêmes trucs depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que moi, je jouais pas avec les jouets de mon père, par exemple. C'était des Dinky Toys, des trucs, des machins. Ouais. Et à part Tintin, dont je me suis vite débarrassé quand je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, vers l'âge de 14 ans. Ce qui est très bizarre parce que j'étais persuadé d'aimer Tintin. Et puis un jour, avec ma couverture Tintin, mon réveil Tintin, je me suis dit, mais je m'en bats les couilles de Tintin. J'arrive pas à finir une BD, honnêtement. Est-ce qu'on peut dire que c'est arrivé au même moment où tu as découvert la drogue aussi? Oui, exactement. Tout est lié. Tu t'étais auto-persuadé que t'aimais Tintin. Mais carrément, c'était la BD préférée de mon père. J'adorais ça. Il m'avait transmis ça. Et tu vois, j'étais persuadé que ça faisait partie, qu'il fallait l'aimer, quoi, comme un fond culturel, tu vois. Une espèce de transmission culturelle, comme on se passe l'Iliade et l'Odyssée, j'imagine. À l'époque en Grèce. Mais c'est un truc un peu relationnel, père-fils ou père-fille ou mère-fille, enfin tu vois, c'est un peu le transmission que j'ai, je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans ce que tu dis, parce que moi j'ai vu ça avec YouTube par exemple, j'étais persuadé de, et aussi t'as le truc inverse où tu rejettes, tu grandis, après tu fais oh c'était pas si mal quoi. Oui mais là j'ai un problème avec le fait que j'ai l'impression que tout se recycle depuis les années 80, c'est-à-dire que tout ressort en jouets, en trucs, en machin. J'ai l'impression de voir les mêmes licences, un truc qui m'avait sauté à la gueule avec les jeux vidéo déjà il y a une dizaine d'années. Ouais. Là j'ai un gros problème avec le recyclage d'une manière globale et la tonalité aussi neutre des films Marvel en termes de photographie, de mise en scène, de trucs, de machin. Moi j'arrive plus à voir les subtilités dedans, à part sur des choses assez grossières comme proposait le film de Shane Black. Ouais. Que ce soit en problème scénaristique ou en choix de bande-son ou même en mise en scène, il y avait des trucs que j'aimais bien, quoi. Enfin, ils faisaient péter toutes les armures, enfin, il y avait plein de trucs un peu grossiers. Ils ont tous galéré derrière, d'ailleurs. Enfin, c'est assez décevant, en fait, de voir des trucs après Iron Man 3. Où il fait, non, mais en fait, c'est bon, je suis encore là. Oui, tu vois, tu fais un peu genre, ah bah... Bah, je crois qu'après, il y a cette merde de l'âge d'Ultron, là, qui est horrible. Je suis désolé, en fait, il y a Josh Whedon qui nous écoute, donc tu pouvais t'excuser. J'ai aucun problème à dire du mal de ça. Parce que j'ai adoré La cabine dans les bois. Je ne sais plus si c'est lui qui l'avait écrit. Si, c'est lui, ouais. Ouais. C'est lui aussi. Il ne l'a pas réalisé, mais il l'a... Ah, il n'a pas genre produit ou... Non, il l'a écrit, peut-être. Peut-être écrit, je crois qu'il l'a écrit. Adrien ? Salut. Moi, j'ai vraiment pas du tout d'analyse hyper intelligente. Non, comme ça, non, mais quel est ton rapport à ça ? Parce que j'adore ça. À quoi ? La nostalgie ? Non, au Marvel par exemple. Non, parce que toi, tu vas pas aller voir les Marvel, tu t'en bats un peu les steaks de. J'aime bien, ça m'a vite saoulé, ça m'a vite fait chier. Et j'ai pas. Moi, toi, t'avais pas aimé, je crois, Sébastien Avengers. Zéro. Moi, j'avais kiffé Avengers de ouf. Ouais. Après, rien quoi, quasiment. Si, les Iron Man 3, j'avais bien aimé, tu vois. Mais je sais pas. Ça m'accroche pas. Mais est-ce que tu as ce truc, parce que tu sais, on avait fait un podcast où tu étais là. Bien sûr. C'était des vieux du coup, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu moins invité. Mais tu avais fait un podcast où tu disais... Pas de problème. Où tu disais que des fois, en tant qu'adulte, tu te faisais des kiffs de quand tu étais enfant. C'est-à-dire que ce que tu n'avais pas le droit de faire enfant, genre j'achète une crêpe à 23h, je dis n'importe quoi. Je crois que c'était l'exemple que tu avais donné. Non, je pense pas. Mais... Ouais, comme de la kétamine, je sais plus. Mais en gros, c'est des trucs que tu n'avais pas le droit enfant que tu fais maintenant en tant qu'adulte. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup ça. Moi, je sais que là, on est dans mon appartement où il y a beaucoup trop de Lego, par exemple. Ouais. Je sais que mes parents ne m'achetaient pas de Lego. Et je sais que je comble un truc avec ça et que... J'imagine que c'est pas qu'une mode. J'imagine qu'il y a plein de gens de mon âge qui se retrouvent dans des trucs qu'ils n'avaient pas accès et qui maintenant ils ont accès et du coup ils le font. Est-ce que toi t'as ça avec certains trucs culturels ou même je sais pas musicaux. Enfin ça reste de la culture mais musicaux, des BD, des bouquins ou. Est-ce non. que tu dis que la nostalgie. Ouais j'ai l'impression que tu... en fait, c'est pour ça que je te demande parce que j'ai l'impression que tu n'utilises pas du tout la nostalgie comme un doudou comme certaines personnes peuvent le faire. Ben ça dépend. Enfin si un peu quoi. Enfin genre c'est vrai que t'es jamais venu chez moi. Mais moi c'est beaucoup de vieux trucs. La déco c'est que des. Alors c'est plus des vieilles consoles et des trucs comme ça. Mais c'est beaucoup de vieux trucs. Mais Mais moi, j'ai un rapport assez bizarre à la nostalgie parce qu'en fait, j'aime bien m'entourer et me rappeler, me remémorer les trucs de mon enfance, alors que mon enfance, c'est sans doute la pire période de ma vie, quoi. Ouais, ouais. Mais j'ai quand même un truc de genre, ah, c'était bien et tout. Et, donc, je sais pas, c'est peut-être, en fait, je pense qu'il y a deux trucs avec la nostalgie. Il y a le côté se rappeler que, ah, finalement, il y avait quand même des trucs cool à l'époque. Et puis, il y a quand même une certaine insouciance dans l'enfance, même si c'est pas toujours super à l'enfance, quoi. Ouais. Mais il y a quand même une certaine insouciance qu'on regrette. Qu'on perd, voilà, ouais, et ouais. qu'on essaye de retrouver un peu avec ces trucs. En fait, comme on a des. En fait, comme c'est, par exemple, des jeux. Enfin, des jeux vidéo, des trucs comme ça, avec lesquels on avait des rapports très intimes. C'était un peu ça reste préservé, en fait. Je veux dire, l'insouciance de l'enfance, elle est toujours intacte parce qu'on avait un rapport tellement pur, comme tu disais tout à l'heure, pour reprendre ton terme, Simon. Et en fait, merci, Adrien. Mais écoute, champagne, rendons à César. Hein, c'est Simon, ce prénom. Merci, Adrien. Oui. C'est un petit gars que je fais. Non, elle est bien. Ouais. Non, et j'ai descendu 4 octaves de ma voix. Là, mais c'est parce qu'on parle tellement sérieusement qu'on a envie d'être hyper posé et d'avoir un petit jazz. C'est du Killington que vous entendez. C'était le concert à Baltimore en 1900. Non, et donc je sais pas, il y a ce côté-là. Et puis il y a aussi le côté. Je pense qu'il y a aussi un côté genre la peur de vieillir et du coup tu te. Et de mourir. Ouais, parce qu'il est dans la continuité. Ouais, quoi. C'est souvent la phase 2. Hein, on peut et dire. Du coup, parce qu'en vrai, il n'y a pas. En termes de qualité. Mais enfin, je vais dire encore 8 M et après je vais. Non, mais malgré ce que tu disais tout à l'heure, où c'est vrai qu'il y avait une époque où la créativité était un peu débridée et du coup ça donnait des trucs de qualité qu'on retrouve pas forcément maintenant. Après, peut-être que c'est aussi mon point de vue parce que j'aime ces trucs-là et que du coup la base, le moment des talons, il est là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois on est nostalgique de trucs alors qu'objectivement. Moi, un truc que je supporte pas, c'est les gens qui disent que c'était mieux avant tout le temps, ouais. Alors que c'est faux, quoi. Enfin, je veux dire, notre époque, elle est quand même vraiment très très bien, quoi, maintenant. Ouais. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment de raison tellement rationnelle d'être attaché à ces vieux trucs. Bon, en fait. Les gens osaient moins se séparer, c'était bien ça, quand même. Ils te larguaient moins, quoi. Enfin, ils avaient peur d'être. Enfin, non, je sais pas. Ça va, toi ? Ouais, ça va super, tu rigoles. Ça va très bien, tu rigoles. Ouais. Non, mais oui, les gens qui disent c'était mieux avant, c'est un peu infernal. Mais il y a aussi le truc, je pense. Moi, après, je suis très dans la nostalgie. D'ailleurs, le dernier truc que j'ai. Enfin, qu'on a tourné avec Jérôme, avec qu'on Jean a écrit et tout, c'est complètement de la nostalgie parce qu'on a affaire à un faux truc des années 90 et tout. Ouais. Un peu un hommage aux séries des années 90 et tout. Donc, Mais après, effectivement, ces séries-là, bon, c'était pas forcément ouf, quoi. Par rapport à ce qu'on a maintenant. Ouais. Mais il y a quand même ce truc de nostalgie qui est présent, quoi. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc où, genre, moi, je suis plutôt un enfant des années 90, beaucoup plus que 80. Enfin, je suis né en 91, donc clairement pas du tout un enfant des années 80, pour le coup. Vraiment pas. Zéro moment, j'ai été dans les années 80. Mais il y a quand même un côté aussi, parce que tu disais que l'enfance, des fois, c'est pas ouf et peut-être qu'on essaie de voir le bon côté. Peut-être qu'on se réinvente un peu une enfance qu'on n'a pas eue aussi. Peut-être. Je sais que moi, par exemple, je lisais pas du tout de comics petits. Et là, moi, je lis beaucoup de comics et quand je rencontre des gens, ils me disent un peu, enfin, ça sonne un peu comme un truc nostalgique de relire des comics ou de bien aimer les trucs super-héros. Mais en fait, c'est un truc auquel j'ai eu accès très tard, pour le coup, avec le premier film Spider-Man. Je crois que c'est le premier, ou le dessin animé Batman quand j'avais 8 ans de Bruce Timm, quoi. Quand t'avais 0 ans, même. Parce que je crois que c'est 92 début. Bah ouais, mais le temps que ça arrive en Bourgogne, tu sais, il y a toujours 6-7 ans en plus. Et donc voilà, et j'ai l'impression que des fois, juste tu te permets de vivre une année, une génération, peut-être un tout petit peu avant ta vraie génération, et que tu kiffes parce que tu n'en as pas eu accès. Toi, Marjorie, par exemple, je sais qu'on s'y est même quelques fois croisés. Tu vas quelques fois à des soirées où la musique est très années 80, très un peu années 90. Oui, tout à fait. Et tu vis le truc à fond. Genre, tu t'habilles un peu comme à. Bah, quand ils m'ont vu arriver, ils ont fait ah, ok. Oui, bah oui, c'est cette personne qu'il fallait inviter, en fait. Oui. ouais, moi, j'adore ça. Et j'ai même un projet qui n'a rien à voir avec YouTube, mais que j'essaie d'ailleurs de monter avec. L'organisateur de ces soirées-là. Oui, c'est la We Are the 90s. Voilà. J'aimerais beaucoup faire un festival rétro, en fait, où les gens peuvent vivre à fond une immersion dans une époque. Parce qu'en fait, je pense que tout ce que vous dites là, moi, ça me fait penser qu'en fait, pour moi, en tout cas, moi qui suis extrêmement nostalgique et rétro, même si j'adore l'époque dans laquelle on vit, justement, je l'aime parce qu'elle nous permet de vivre toutes les époques du monde, en fait. Oui, par l'accès par Internet, ben et voilà, tous ces trucs-là. On n'a jamais eu autant accès au passé, en fait, qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est qu'en fait, pour moi, c'est des mondes, en fait. C'est des univers. Quand tu dis que tu as envie de lire des comics des années 90, c'est parce que c'est un monde, en fait, les années 90, qu'on va plus jamais retrouver, qui n'existera plus. Les Spice Girls n'auront plus jamais 20 ans. Ouais. Et elles ne seront plus jamais. La technologie aura beaucoup évolué. On a beau pas arrêter d'annoncer leur retour, ça ne sera jamais comme avant. Non. Et c'est pour ça qu'en fait, le passé, les époques, pour moi, c'est des univers, c'est des mondes, c'est clos et c'est fini. Mais ce qui est hyper cool avec la nostalgie, c'est qu'on peut y retourner, en fait, et se balader, faire des trucs cool. Et c'est pour ça que les gens kiffent des séries comme Stranger Things, parce que d'un coup, bah, ils sont immergés dans ce monde. Ouais, tu vois ça et comme des territoires plus que complètement. Comme. Tu théorises presque pas tant que ça, en fait. Tu dis, c'est un. C'est un univers. Une mode presque cool de, à pour faire. Moi, c'est comme les gens qui font tu sais, des jeux de rôle dans les forêts, ouais, où ils se prennent pour des vikings. Et c'est pour ça, moi, mon rêve, ça serait de créer un festival où les gens peuvent vivre leur névrose à fond. Et voilà, et comme moi, les gens malades comme moi, s'ils ont envie d'être à fond, complètement immergés pendant une journée dans les années 60, et ben, vous connaissez tous peut-être Secret Cinema. Alors tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est très très cool. Eh bien, Secret Cinema, c'est un concept d'immersion dans un film. Donc en fait, tu passes une journée, une soirée, complètement immergé dans un film qui normalement est secret. C'est-à-dire que tu apprends au moment, tu prends ton ticket, tu ne sais pas quel film tu vas voir. Et tu apprends au moment même où commence l'événement. Sinon, ils organisent aussi des événements de temps en temps sur des grands films cultes que tout le monde connaît. Ils l'ont fait pour Dirty Dancing ou Retour vers le futur, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que les mecs, ils sont montés en niveau d'année en année, ils te recréent une ville, ils te recréent tout un univers. Retour vers le futur, c'est juste la folie. Ils ont recréé toute la ville. Ouais. C'est fou. Moi, je l'ai fait avec Pattaya. Énormément de nains. J'ai fait caca sur le nain, comme dans le film. Alors ça, c'est cool. Ouais. C'est vrai qu'ils ont mis en place un espèce de système de chiage sur nain. C'est super bien fait. Qui paraît pas viable et en fait qui marche très très bien. Ouais, j'ai vraiment la nostalgie de cette époque où on pouvait vraiment dégrader les nains et tout, et du coup j'ai vraiment kiffé quoi. Tu viens de tout salir, tout le propos qu'on a eu avant. Et un nain. Désolé, quand c'est trop sérieux, je suis obligé de. Mais non, mais voilà, de parler de Pattaya. Il peut pas s'en empêcher. Donc oui, et Secret Cinema, donc... Voilà, c'est tout, et c'est chambé. Et c'est un peu ce truc-là que t'aimerais recréer, potentiellement un de tes projets que tu vas faire voler, quand tu le dis à l'antenne. Non, et que... il est déjà bien avancé. Ok, les gens c'est sont... faux, pas du tout. Et les auditeurs sont des gens plutôt cool. Non, mais tu sais, c'est vont... marrant ce que tu dis, parce qu'en vrai, moi, j'adorerais que quelqu'un me le pique, parce que ça me... En fait, c'est pas que ça me fait chier de le faire, mais j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie que ça existe. Ouais. Tu sais, ça fait partie de ce truc où j'ai cherché sur Internet voir si ça existait, et moi, j'ai juste envie de payer mon billet et qu'on m'emporte, en fait. Mais ça n'existe pas, donc je vais être bien obligé de le faire, en fait. tu vois, c'est ça. Et Secret Cinema, quand j'ai découvert ce truc, je me suis dit, bien sûr, le mec a tellement une bonne idée, en fait, et ça cartonne. Parce qu'on est tous fous et qu'on a tous envie de vivre dans un autre monde, en fait. Et du coup, alors, ma question qui suit, c'est que vu que tu vois cette espèce de... Ces générations, en tout cas, ces époques, comme des territoires, qu'est-ce que tu penses, par exemple, qu'est-ce que vous pensez tous de par exemple, quand on fait un reboot d'un film ou quand des chanteurs, genre tu parlais des Spice Girls, demain les Spice Girls se reforment et font un concert à Bercy. Ah ouais ? J'imagine. C'était une hypothèse. Est-ce que tu payes ta place ? Est-ce que tu payes ta place en disant, bon, je sais que je vais pas vraiment voir les Spice Girls ? Je vais payer ma place et être déçu. C'est ce qui va se passer. Tu penses que. Oui, parce qu'encore une fois, c'est un monde qui n'existe plus. On le retrouvera pas. Alors par contre, on va tous mourir en plus. Mourir. Une vanne peut-être ? Non, mais ça peut être cool. On s'en fout. C'est pas grave. C'est comme une petite drogue que tu te prends à un moment et t'es content en fait. Moi, par exemple, c'est ce que je vais rechercher dans les soirées comme We Are the 90s. C'est que pendant une soirée, t'as un peu l'impression que t'es de nouveau en arrière et que tu kiffes, en fait, c'est juste marrant. Mais faut pas y mettre trop de... d'espérance. En fait, il faut être bien aussi dans son époque, je pense que c'est ça, faut pas vivre trop dans le passé. Moi, je sais que j'ai beau être hyper nostalgique, j'adore mon époque. Ouais. Et j'ai pas ce problème-là. Je tiens à signaler que Sébastien Chassagne est hilar. On sait pas pourquoi. Mais parce que la drogue, simplement. Non, parce que... bref. J'imagine une soirée dans les années 80 un peu homophobe et du coup, c'est un peu... Du coup, tu rejoues vraiment tous les trucs où t'as des gros problèmes de racisme. Mais attends, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est ça, le pouvoir qu'on a aujourd'hui, c'est de garder que le meilleur du passé. Exactement, c'est ça, le truc de la nostalgie. soirée, ta soirée des 80, Marjorie, ou juste on tabasse des homos. Sinon, vous êtes homosexuel. On va vous tabasser à l'entrée. C'est la soirée, c'est le thème. On est désolé, on est obligé. C'est vrai. Oui, gardez que le bien. Les ça, soirées, bah, mon festival qui sera sur les années 60 sera interdit au noir, par exemple. Voilà. C'est important ce que tu fais. Par... C'est un vraiment cas gagné, par contre. Non, mais une série comme Mad Men, qui se passe dans les années 60, je dis pas de conneries. 50, 60. Non, mais justement, il n'y a pas ce côté nostalgie parce qu'il montre vraiment l'époque avec. Les... Oui, mais c'est une fiction. Donc avec les problèmes. Oui, non, mais c'est pour dire que, voilà, ah bah il oui. y a aussi des séries qui ne jouent pas forcément sur la nostalgie. Ah oui, bien sûr. Et voilà, bon, c'était pas super ouf comme. j'ai oublié où je voulais en venir au milieu de ma phrase. Mais, que tout le monde n'enjolive pas forcément. Oui, le voilà. Passé. Non, mais... Ouais, ouais. Mm. Merci d'essayer de me. Bah, c'était vraiment, je ne sais pas où j'allais avec ça. Je me disais, peut-être ça va lancer un truc. Pas du tout. C'est un peu écrasé. J'ai lancé une bouée et tout le monde a continué à se noyer finalement. Et tout le monde a mis des coups de couteau. vous pensez quoi, vous, des trucs? Comment vous vivez? Parce que j'ai l'impression qu'on est toujours un peu content quand même. Les reboots? Ouais, c'est des trucs comme ça. Enfin, genre, moi, tu m'annonces quand tu m'as. Je sais pas, là, j'ai pas d'exemple en tête. Ça, Hit. Ouais, Hit, il y avait un côté genre, ah, ça va être peut-être cool. Bah, pour le coup, Hit, moi, j'ai bien aimé. Bien. Ouais, Hit, moi, j'ai bien aimé. T'as détesté, Sébastien? Non, j'ai trouvé ça très, très bien. Mais j'essaie de trouver un exemple où je m'attendais en me disant, ah, peut-être ça va être cool. SOS Phantom 3, Indiana Jones. Indiana Jones, très Baywatch. Bon exemple. Baywatch. Ouais, bon, ça là, j'attendais pas spécialement. Mais. Indiana Jones, c'est un très bon exemple. Parce qu'en fait, c'est normal qu'Indiana Jones 4, ça ressemble à ça. Quand tu réfléchis un petit peu, tu vois, que l'acteur soit un peu. Vu qu'il a 87 ans, tu vois. Le, le fait 5, que... du coup. Le 4. Le 4. Celui qui est sorti il y a quelques années. Ah, celui qui est sorti, d'accord. Ouais. Parce qu'il parle dans. Il parle d'en faire un cinquième, ouais. Et moi, je rêve que ce soit, pour avoir vu Ready Player One, j'espère que ce sera un en motion capture, en fait. Je pense que la seule bonne façon de faire un Indiana Jones aujourd'hui, tu gardes Harrison Ford, mais tu le fais en motion capture, comme ça tu le. Non, mais comme ça il peut être Indiana Jones, le jouer à la Indiana Jones, mais quand il y a des cascades, c'est moins triste à voir. D'ailleurs, quoi. Je suis débilos. Il parlait pas d'un Indiana Jones avec Chris Pratt à une époque? À une époque, c'était des rumeurs quand Disney rachetait, mais c'était pas. Je crois c'était pas. Ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'il parlait de ça à une époque. Ouais, ouais. Bah, les mecs. Non, mais ça aurait été bien. Ouais, mais moi, je suis plutôt team, je suis enthousiaste quand il y a des reboots et tout, quoi. Ouais, mais a priori, il y a pas de. Moi, tu disais SOS Fantôme, enfin, donc le 3, mais pas vraiment, en gros. Moi, je l'ai trouvé plutôt rafraîchissant, ce film-là. Moi, j'ai trouvé ça. Je ne l'ai pas vu. Ouais, t'as détesté, Simon? Après, outre ton extrême misogynie, qu'on peut mettre au grand jour. En plus, moi, je trouve que Melissa McCarthy, c'est genre la meilleure actrice du monde, et genre Kristen Wiig, la deuxième meilleure actrice du monde. J'adore ses filles, je les trouve incroyables. Ouais. Et je trouve que. Confondu, d'ailleurs. Non, mais oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis complètement d'accord. Melissa McCarthy, elle est une des personnes les plus drôles du cinéma actuel. Et elle est super émouvante aussi, incroyable. Ouais. Mais je trouve que la seule audace dans ce film, ça vient pas des personnages principaux. Je trouve que c'est le mec, là, c'est Thor, là, qui est drôle. Moi, je suis pas d'accord. Mais je trouve ça rigolo, quoi. Mais après, moi, je suis un fan. Vraiment. T'es un con, on peut hommes. Dire. Non, mais moi, SOS Fantôme, c'est vraiment, je crois, mes plus grands souvenirs d'émerveillement au cinéma quand j'étais enfant. Et là, tu m'as trahi. En fait, Indiana Jones m'a trahi. Je suis pas d'accord. Et après, qui c'est qui est pas d'accord? Bah oui, c'est toi. Non, mais bon, il n'y a pas de trahison, c'est juste deux trucs qui existent. Y a pas... Pourquoi est-ce que ça devrait se cannibaliser? Non, non, les mais, deux, non, mais en fait, ça m'a fait grandir dans ma vie, dans ma tête. C'est que Indiana Jones, j'ai fait ah mon Dieu, ça va être super, ça va être. Et d'accord. En fait, pas du tout. Mmh. Ouais, donc au final, j'ai fait le deuil d'une époque, de sensations passées qu'il ne fallait pas rechercher à nouveau, essayer de les raviver. Et je pense que c'est notre faute, en fait. Quand voilà. On est déçus, trahis, c'est notre faute exactement. De ce qu'on attend, en fait. Et on enlève les attentes, et après, juste, on le regarde ou pas avec légèreté. Mais c'est vrai qu'SOS Fantôme, ça a vraiment clos pour moi le sujet de... On ne ramène pas forcément les trucs à la vie. Ouais, bah moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça t'as marrant. Aimé le... Ah ouais. Et qu'est-ce que t'as aimé dedans? Que j'ai aimé dedans, ouais, bah, mais c'est reparti. Mais rapidement, la blague des nouilles. La blague des nouilles, moi j'avais beaucoup aimé. Je me rappelle plus de la blague. Il y a un moment, il y a trop de nouilles, il y a jamais assez de nouilles dans sa soupe, et à la fin, juste que des nouilles et très peu de soupe. Bah, bonne vanne. Super. En fait, j'ai moins bien vendu que Mélissa. Genre quoi, le méchant? Le ton, l'humour m'a fait rire. Ouais, ouais. Quoi par exemple comme blague? Vas-y, hein, on est là pour parler. En même temps, je serais incapable de citer des vannes du 1. Ah ouais, outre la librairie au début, mais sinon. En vrai, le 1, tu revois maintenant, pas ouf. Hein? Tu revois le 1 maintenant? Non, le 1 est sympa. D'accord, le 1 est ouf. Mais le 2 est nul. Enfin, le 2 est non, pas le dingue. 2 avec Vigo, non, il est pas ouf. Bien. Mais moi, j'ai... Ouais, mais moi, j'ai adoré ces films-là. Tu vois, c'est comme quand il y a eu ça a remplacé mes parents, ok? Donc, c'est mes parents, SOS Fantôme. Vraiment. C'est comme quand il y a eu le reboot de Jumanji, où tout le monde a dit « Ah, on détruit mon enfance et tout ». En vrai, Jumanji, pas si ouf. Non, bah, là, c'est moi qui vais m'embrouiller avec toi. Non, mais en plus, moi, je l'ai pas vu, le nouveau Jumanji, mais j'avais kiffé la bande-annonce. Il est très bien. Dit, et tout le monde qui disait, oh non, mais juste, moi, je l'ai trouvé très bien, et cet avis est sponsorisé par Warner. Non, mais le vieux Jumanji, en fait, il est il fait froid dans le dos. Il est ça, il est sombre. Il est glauque, il est bizarre. D'ailleurs, l'acteur... Il s'est pendu, donc la preuve. C'est que ça devait être vraiment dark. Pardon, il avait pas pris n'importe qui, quoi. Non, Jumanji, il a foutu en l'air le film. Normalement, c'était hyper joyeux. Non, mais moi, je m'en fous qu'il y ait Jumanji 2, en fait. Ouais. C'est juste que de là à dire que le 1 est naze. Non, j'ai pas dit que c'était naze. J'ai dit, faut pas en parler comme si c'était un truc intouchable. C'est pas plus ça va. Parce que ça, c'est un film avec Omar Sy. Mais non, mais en fait, c'est purement. Au-delà de ça, moi, je me demande à chaque fois à quoi ça sert de refaire un truc qui a marché, en fait. Si c'est très bien comme c'est, pourquoi tu veux essayer de le refaire? C'est que pour faire de l'argent, d'accord? Oui, déjà. C'est que de l'argent. Je suis pas d'accord. Parce que des fois, en fait, il y a aussi... Moi, c'est pour ça que je trouve que les meilleurs remakes, c'est les remakes de films pas ouf. Et par exemple, ça, moi, le téléfilm, alors peut-être parce que j'ai pas votre âge, je suis un peu plus vieux et que quand je l'ai vu, je trouvais ça pété de base. Un peu plus jeune, du coup. Ouais. Respecte-nous quand même. Ouais, non, mais je veux dire, quand j'ai vu le téléfilm ça, moi, je trouvais ça... On me l'avait vraiment vendu en mode... On m'avait filé le Attention, le ça fait peur, hein. Ouais, on m'avait filé le DivX en me disant, mec... Fais gaffe, là les clowns, terminé. Je regarde le truc, ça dure 3h20. Oui, parce qu'il y en a deux. Sirène qui fait de la merde. À la fin, le clown se transforme en araignée géante. Ça n'a aucun sens de A à Z. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une araignée aussi. Oui, non, mais tu vois, là c'est un clown qui d'un coup fait en fait, je suis une araignée géante. Ouais. Fait, non, on arrête tes conneries. C'est comme ça dans le bouquin, c'est... non Oui. Mais il y a plein de. Enfin, en tout cas, l'original, je l'avais pas aimé. Et le remake. Je viens de changer d'avis en cours de podcast. C'est possible, on a le droit ça. Ok, bah voilà. Je viens de changer d'avis. Parce que je viens de me souvenir qu'en fait, s'il n'y avait pas eu un remake de Scarface, à un moment donné, le Scarface des années 80 n'aurait pas existé. Ouais. Or, moi, c'est un film que je préfère largement au Scarface des années 30. De Howard Hawks. Voilà. Hawks, ouais. Qui est chiant. C'est chiant, ouais. Ce film. Wow. Je sens noir et blanc. C'est chiant, excusez-moi. Ouais. Ok, c'est d'accord. C'est un peu radical, et... mais non, c'est assez bien argumenté. Du coup. je m'aligner. C'est quand même souvent cité comme un classique du cinéma. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est bien, mais je veux dire, c'est juste. En fait, c'est deux films complètement différents. Et c'est vrai que c'est là où je me dis, bah ouais, en fait, Jumanji 2, c'est juste un autre film carrément différent. Ouais. C'est juste qu'il triche un peu en utilisant le même nom. Et du coup, non, moi, je suis pas d'accord. Non, mais c'est deux choses. Le Jumanji 2. Non, mais c'est malin la façon qu'ils ont eu. Déjà, c'est une suite. C'est pas un reboot, c'est une suite. Ouais, mais alors c'est un peu moi qui ai vu le film. Je peux me battre, hein. Oui. C'est une suite, c'est tout. C'est plus un jeu de société, c'est un jeu vidéo, c'est une suite. Ça, c'est cool, que c'est cool le jeu de société qui a été adapté en jeu vidéo, ouais. Machin, etc. Ouais. C'est une suite déjà. Donc non. Voilà, on se calme, on a le droit de faire des suites encore. Je vais te faire une clé de bras, tu me regardes dans les yeux, je vais te faire une clé de bras maintenant. Le casting est super. Bah, il y a The Rock. Voilà. Ah, The Rock. Il y a The Rock. Il y a The Rock, il y a Jack Black. Tu sais que Simon a couché avec The Rock. Mais non, ouais, mais. Non, il l'a branlé. Non, mais en plus, franchement, j'ai aucun problème avec ça. Il a fait tourner son pouce sur le gland de The Rock. Non, mais. Vas-y, dis-le. Non, non, mais c'est. Moi, j'ai raconté mon anecdote. On a eu une vraie discussion un jour avec Flaubert, et c'est vrai que j'ai dit que. Moi, je j'aime pas les mecs particulièrement, mais c'est vrai que si Tony je devais Parker, coucher avec un gars... Tony Parker. Ah ouais, mais non, mais arrête de parler de Tony Parker. Attendez, tu coucherais avec The Rock, ah c'est ouais. Ça que... Ouais. Mais ah ouais. Mec, c'est un arbre. Ben, ouais. Peut-être que ça me rassure. Dit, tu vois. Ça qu'il aime. Peut-être que ça me rassure. Mais moi, je comprends, mais moi, c'est plus... Putain, j'ai oublié son nom. José Garcia. Non, Hugh Jackman. Ah oui. Hugh Jackman. Ah oui, elle a l'air cool. Non, il s'en veut pour José Garcia. Dimi, tu vois, si on couche pas, c'est cool quand même. Si on baisse pas, tu vois, tu juste tu danses sur son torse, c'est cool quoi. Oui, mais voilà, c'est pas forcément couché. Non, mais c'est plus voilà, passer un moment, dormir avec lui dans ses bras. T'as envie d'être dans ses bras, voilà, d'accord. Exactement. Complètement. Mais The Rock, je comprends. Parce que il est. Et toi? Hyper sympa The Rock. Non, mais en fait, on est assez d'accord. Ah ouais, d'accord. Bah nous, on est sur une piscine dans les bains et on parlait de. C'est très bien, ils ont deux bras. Vous étiez sur qui, vous, pardon? Hugh Jackman. Hugh Jackman, c'est bien aussi. C'est ouais. Chris Pratt, on parlait de Chris Pratt, c'est pas mal aussi parce que rigolo aussi. Ouais, il est chasseur, moi ça me. Ah oui, c'est vrai qu'il est de droite dur en plus, il est pas trop, je sais pas quoi. Ouais. Hugh Jackman, ça se trouve, mais je sais pas, là, j'ai une. Hugh Jackman, je pense que c'est un gars droit. Ouais. Il est charmant. Ça sent le gars droit. Il est très charmant. Oui. Là, on n'est plus du tout sur la nostalgie, on est plus sur. Sur qui s'est conçus, mais après, c'est bien aussi. Non, mais il est charmant. Vous avez vu l'extrait où il fait les doublages de Wolverine, enfin la post-synchro, où en fait, c'est les scènes où Wolverine il court dans la forêt et il se bat contre des mecs, et donc lui, il est juste devant son micro, il fait... il fait comme ça et tout, et ça il est filmé. Kiffé, ça t'avait kiffé, ça t'avait kiffé. Non, c'est pas ça, c'est qu'après, quand il termine, il a l'air tout gêné, genre presque un peu, genre, il a un peu la honte et tout. T'es amoureux. Trop mignon. T'es clairement amoureux. C'est... Mais oui, bah... c'est vrai qu'il a un peu de la... Des petites étoiles dans les yeux quand il en parle. Non, mais je comprends. Vois, on pourrait croire que c'est un espèce de beauf parce qu'il est musclé et tout. Oh mais non, pas touchant, non, et pas du tout. Il a pas du tout l'air d'un beauf. Non, mais après, je sais que nous, les gars musclés, ouais. On a souvent jugé, on se dit, oh, ça y est. Quand tu dis nous, les gars musclés, tu t'es mis dans la même famille que Hugh Jackman. Ouais, il est plus musclé que moi. C'est pas pareil. Moi, je suis plus sec, un peu bagarre de rue. Mais non, mais tu parlais des musclés du club d'eau. Je parle de mon apparence physique, je suis taillé. Pas du tout. Que... Mmh, je sais pas. Je sais pas. Bah, je te le dis. C'est... Ok. Ouais. Tu m'as jamais vu torse nu. Je t'ai vu à poil. C'est vraiment. Pas même plus moi, tard. Je t'ai vu à poil. Ouais, je crois. Pas plus tard qu'il y a 4 jours. Oui, il me semble. Bon, on a fait une très belle. On en parlera. Non, non, en je antenne. Non, non, je vais en parler maintenant. Vas-y, go. aucun problème. On a fait. On a eu la chance d'être invité par un festival. Encore avec putain, mais sans déconner, quoi. C'est votre vie, en par fait. Warner. C'est Warner. Merci, c'est Warner. Métier, quoi. Bah, moi, j'ai arrêté de taffer depuis 4 ans. Je me fais juste invité à des trucs. Non, un truc qui s'appelait Snow Web, où en gros, on montrait des vidéos à la montagne. Snow Web. Snow Web, ça s'appelait. Ouais. C'est bien trouvé. Ouais, c'est non, mais c'est bien trouvé. Est-ce qu'ils ont doublé le W final ou est-ce que c'est le même W? C'est exactement la question que j'allais poser, je te jure que c'est vrai. Ouais, bah non, non, c'est, le même, c'est le même W. Ça m'intéresse. Ah, c'est bien pensé. Ont... Hein. Ouais. Et moi aussi, j'ai bien kiffé. Bien loin du micro. La vie loin du micro. Et donc, bref, on était dans un hôtel plutôt cool. Et Adrien était dans le jacuzzi et j'ai eu la chance de le voir à poil. Un jacuzzi. Et ouais, il y avait un jacuzzi. En fait, il y avait Gaël. Cette anecdote. Il y avait Gaël. Il y avait Gaël, Mektoub, Adrien et moi. Et on a fait des super vines qu'on mettra en ligne bientôt. Dès qu'il y a Vine 2. Dès qu'il y a Vine 2, on a des super vines avec la top d'Adrien et c'était vraiment chouette. Bah, cool comme anecdote. En tout cas, je rappelle que j'ai sauvé un enfant pour contrebalancer un peu. J'avais besoin d'équilibrer un petit peu. Et voilà. On ne sait pas comment rebondir derrière ça. Non, vraiment, non, on va juste changer de sujet. Complètement. Pour revenir un peu à ce qu'on disait sur les reboots, est-ce que vous, demain, on vous appelle, on vous dit, parce qu'il y a quand même que des comédiens autour de la table, oh oui. On vous dit bonjour à tous. Ils nous appellent tous en même temps. C'est une conférence qu'on a. Ils font un FaceTime avec nous en même temps. Alors évidemment, bonjour à tous, parce que c'est Pierre Cross qui vous appelle. un WhatsApp. Mais il sait qu'il a changé de taf, quoi. Ah ouais. Et non, quelqu'un vous appelle et vous dit, voilà, on va faire un reboot d'un genre un énorme film. Mais disons un film français, on fait un reboot de La Soupe aux Choux, les gars. Et on vous dit, et franchement, le réal, il est mortel. Et c'est avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, donc en plus la denrée, ça va être un truc en animatronique 3D stylé, ça va être trop bien. Ouais. Est-ce que vous le faites, bon, oui. Partant du principe que vous aimez La Soupe aux Choux, est-ce que vous avez la pression, vous reprenez le rôle de Louis de Funès, est-ce que ouais. Vous le faites ou est-ce que vous avez quand même une petite pression de bâtard? La pression, oui, mais moi je le fais. Tu gerbes en parlant. J'ai gerbé. c'est fait pour ça la mousse, c'est pour, ça éponge la gerbe. Très bien. Moi je le fais. Le ouais. Poids de l'héritage te fait pas peur? Ah non, alors pour le coup, je suis meilleur que De Funès, moi, donc il y a pas de problème. enfin, je sais pas. Vous me marrez. Non, mais je rebondis un peu sur ce que disait Marjorie sur le pourquoi des fois on fait des deux alors que ou des reboots alors que l'original est très bien ou le 1 est très bien. Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous faire peur, Sébastien, toi, si demain on t'appelle pour jouer un rôle d'un reboot d'un truc ou d'un remake d'un truc, est-ce que tu et que t'aimes beaucoup le film, est-ce que tu peux te dire non, mais en fait, j'y arriverai jamais ou... Je sais pas, non, je sais pas. Ça, non, mais, ouais, La Soupe aux Choux, carrément. Non, mais si, en plus. Hey, non, tu mais fais le bombé et je fais le glaude. Ben oui, je fais comme. Allez vas-y. C'est parti. Deal, et c'est réalisé par. Gaston Bide. Non, mais en vrai. Alors, non. Alors, pourquoi juste, pas. C'est pas une vanne, parce que. Et Flaubert en est témoin. Oula, attention. Non, c'est qu'il y avait des rumeurs que Gaston Bide était approché pour faire un Astérix. Oui. Et j'étais autour d'une table et j'étais le seul à dire bah franchement moi je serais curieux de voir quoi, pourquoi pas, ouais, ça pourrait être marrant, tu vois, complètement, parce qu'en vrai bon alors c'est on dévie encore complètement, hein, on est dans le podcast, non mais c'est pour dire je veux pas être genre je me fous de la gueule de Gaston tout le temps. Parce qu'il est vraiment musclé, il peut être musclé. D'ailleurs, on peut dire que c'est un mec qui a aussi. On est un peu dans le sujet parce qu'il a fait Taxi, qui est un peu de la nostalgie. Et je totalement. Pense qu'il a une pression un peu vénère sur les épaules de faire un Taxi 5. Et en vrai, si quelqu'un doit le faire aujourd'hui, lui, il est. Ah, ça, on l'a toujours dit. Pour voilà. Le coup, Gaston Bide, c'était le meilleur pour faire Taxi 5 aujourd'hui, quoi. Non, et je me dis, le seul Astérix au cinéma qui a été cool, c'est celui de Chabat. Mm. Et c'était le seul qui, justement, jouait avec. des anachronismes, enfin peut-être pas le seul, j'ai pas vu tous les autres, mais il y avait, c'est ça qui était kiffant quoi. Et je me dis Gaston, enfin voilà. Puis c'est vrai que c'est petit, donc c'est l'occasion de caler un nain. C'est vraiment l'occasion de le plaider, de le mettre. Il y avoir énormément. C'est vrai qu'il y a quand même un nain sur la fiche de Taxi 5. Oui, et dans la bande annonce beaucoup aussi. Et ah ben ça, oui, c'est sa petite touche. C'est, après, voilà. C'est son gimmick. C'est... Non, en vrai, qui réaliserait la soupe aux choux maintenant? Je sais pas. Moi. Il bon, y a toujours des paix dedans ou pas? Mais pourquoi pas? Oui, c'est, bah, c'est l'ADN hein, du projet. Il y a des paix. D'ailleurs, tu jouerais un paix. Hein. Tu jouerais pas du tout de ça. Tu jouerais un paix. Non, mais bon, je suis désolé, je disais un exemple débile, mais est-ce que, même l'écrire ou même le réaliser, est-ce que c'est un. Ça, c'est grave. Ouais, toi, tu serais vraiment excité par ce truc-là, de refaire un truc fond, un peu culte si ça t'a plu, quoi. Mais alors, en fait, moi, je représente le vrai hip-hop. Ah, et pour moi, c'est comme le sampling, en fait, quoi. Ouais. C'est un peu la même chose. C'est prendre une base, remixer un truc et tout. Et pour moi, il y a pas. Ça, tu dénatures pas. L'œuvre originale, elle existe toujours. Et il y a peut-être une chance de créer un truc qui, enfin, tu vois, qui fonctionne et qui. Mais de se le réapproprier. Se le réapproprier et tout. Donc pour moi, ce qu'a fait Chabat justement avec Astérix. Ce qu'a fait, ouais. Enfin, j'ai pas d'exemple. Non, mais Chabat, il s'est approprié le truc. Mais c'est pas. Ce qu'a fait DJ Abrams avec Star Trek surtout. Je trouve. Ce qu'a fait DJ Abrams avec Star Trek, disait si bon, avant que Adrien le coupe parce qu'il le déteste. Non. Je me sens c'est tellement lui qui m'a coupé fragilisé. La parole. Non, pardon, parce que je croyais que c'était fini, parce que c'était un peu long. Non, non, il y a pas de problème. Pardon, t'es plus connu, vas-y. Non, mais je trouve que c'est une réussite ce qu'il a fait, Abrams, avec Star Trek. Parce que c'est pas une suite directe, c'est juste un truc adapté à son présent, à sa génération. Et franchement, le 2. Qui sait pas lui qui l'a fait d'ailleurs le 2. Mais... Si, c'est lui qui l'a fait, il a fait les deux premiers. Il a fait, c'est lui qui a fait le 2 aussi. Et Into Darkness aussi. Et le troisième, c'est James Wan. Justin Lin. Voilà. Je trouve ça moins empreint de stress que Star Wars. Justement. Mais tu sais que lui disait d'ailleurs, DJ Abrams, il a dit je ne suis pas un fan de Star Trek. Et c'est comme ça qu'il défendait le truc. Il disait voilà, moi je l'adapte parce que ça m'intéresse. Ouais, je pense mais que je ne suis pas un fan. Je suis d'accord. Ouais. Parce que Star Wars, tu sens qu'il est comme ça. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout est ultra. Léché, lissé au point de... Enfin, tu sens qu'il a voulu contrôler toutes les erreurs potentielles qu'il aurait pu faire et c'est pas le cas dans Star Trek. Et c'est marrant parce qu'Adrien, tu parlais de sampling de hip-hop parce que c'est dans ton ADN et que tu peux pas t'empêcher de mettre du rap dans toutes tes analogies. Bien sûr. Mais moi j'ai ça avec parfois travailler avec des comédiens. C'est vrai que j'ai un espèce de truc, j'ai eu la chance de tourner par exemple avec PEF, Pierre-François Martin Laval, et il y avait un peu ce truc de putain, je dirais, alors qu'il a fait plein de trucs depuis, ouais, et voilà. Mais il y avait un peu un côté. Je l'ai aussi beaucoup, ça. Ouais, je dirige un Robin des Bois, quoi. Enfin, je dirige un gars qui. Et là, pour le coup, c'est clairement la nostalgie. Et je lui ai fait faire du PEF pour pur jus de. Mais comment ça se fait? Tu vois, des trucs vraiment comme ça. Et j'y suis allé à 200%. Et du coup, je passe un peu la main à toi, Simon, parce que c'est vrai que dans HeroCorp. On retrouve beaucoup de gens où on a l'impression que c'est des gens. Il y a des inconnus. Et puis ouais. Mais il y a Courtement. Moi, c'est Courtement. Ouais, surtout. Ouais. Courtement, je. Adrien Méniel. Grave. Déjà, grave. Que tu as un has-been que tu as remis un peu au bout du jour. Et ça, c'était assez joli de ta part. Mais t'es formidable dans Y'a encore. Merci. Mais comme partout d'ailleurs. Non, mais moi, je t'aime beaucoup, en fait, en vrai. Mais moi, je t'aime beaucoup. J'ai du romantique. J'aime vraiment beaucoup ta manière de bosser. Je trouve que t'as une exigence qui est rare. On va vous laisser. Je suis vraiment gêné. On va partir tout doucement. Je suis vraiment gêné. Si on pouvait baisser les lumières. Non, mais alors, courte manche, pour moi, c'était. T'en parles plus de moi, c'est fini. Ça dure deux secondes, quoi. Putain, courte manche. Moi, je l'ai vu au Grand Théâtre de Dijon quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 10 ans. J'ai bouffé dans la pizzeria où il a bouffé avant de jouer. J'étais déjà ému et tremblotant. Mais d'accord. De le diriger après, en plus, à Montréal, chez lui, mais c'était un moment de ma vie incroyable. Incroyable. Et en plus, souvent, quand on va chercher des gens qu'on a aimés étant plus jeune et tout, on peut être un peu déçu humainement ou machin, mais, ouais. Mais là, il n'y a rien qui pouvait m'atteindre. Quoi. J'étais comme un enfant et j'ai vécu un rêve de travailler avec lui. D'accord. Et après, rien que de discuter avec lui et de parler avec lui et de rire à ses blagues en vrai, alors qu'il était dans une pièce humaine vivante, c'était fou. C'était fou. Ouais, quand tu le dis comme ça, c'est vraiment flippant, par contre. Il était humain, le gars. Mais tu as aussi fait tourner Patrick Puydeba. En termes de nostalgie, non mais c'est vrai. Il y a un truc. Est-ce de... que tu peux dire qui c'est pour mec, c'est Nicolas, plus jeune c'est Nicolas de Hélène et les Garçons. Mec, j'avais tellement oublié ce truc, mais bien sûr. Là, en termes de nostalgie, on est mais sur oui. Un truc. Mais parce que c'est vrai que j'ai quand la chaîne AB s'est mise à diffuser toutes les séries AB d'avant, j'étais comme un drogué en fait. Je ne me couchais plus. Je passais mes nuits et mes journées à regarder ça. T'as été hospitalisé à l'époque. Oui. À cause de ça. Effectivement. Non, mais en plus, j'y croyais, parce que dans un truc AB, t'as une intrigue de dingue au début, mais genre, ça lance une urgence ouf, et jusqu'au bout, ils en parlent, et il se passe rien. Et ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, t'y crois, quoi, tellement que c'est bien foutu. Et donc, j'ai maté ça comme un dingue, et j'ai fait travailler Patrick Pudéba, qui a joué un vampire. Et oui, très stylé. Et est-ce que dans vos trucs de carrière et de travail, est-ce que c'est lié à des trucs que vous avez pu voir un peu enfant ou ado? Avec Adrien, on en a déjà parlé dans ce podcast, mais c'est vrai que quand on travaille dans Golden Moustache à l'époque ou dans des trucs comme ça, il y a un peu cette frénésie de c'est un peu ce que faisaient les nuls, c'est un peu ce que faisaient les inconnus, sans évidemment comparer le talent. Bien qu'Adrien Méniel soit le nouveau Alain Chabat, mais ça ne tient pas. Non, mais Adrien Méniel a beaucoup de talent. Oui, oui. Non, mais où Alain Chabat, par contre, n'a jamais sauvé d'enfant, ce que fait Adrien quand même assez régulièrement. Il m'a sauvé, moi, à l'époque. Non, oui, non, oui, en non vrai, c'est vrai. Et donc, est-ce que ce truc-là vous a un peu orienté dans vos choix? Toi, Sébastien, par exemple, tu es comédien. Est-ce que c'est un truc qui est lié à... Parce que tu sais, t'as la grande histoire du comédien qui dit « Putain, moi, j'ai vu sur scène un jour Gabin ». Et je me suis dit... Je suis pas sûr que quelqu'un l'ait vraiment dit une fois, ça. Et donc, il dit « Ouais, j'ai vu cet acteur », et en fait... Non, mais il y en a plein, des exemples comme ça. J'ai plus tout en tête, mais... Oui, ce serait Jacqueline Maillan, à la limite. Mais je l'ai jamais vu, sur scène, mais ma grand-mère avait l'intégralité d'Au Théâtre ce soir, enfin l'intégrale. Et je pense que Jacqueline Maillan, j'ai pris un bon coup. Après, je sais pas si c'est ça qui a orienté mes choix de vie derrière, mais oui, ça, c'était une belle personne, enfin ouais, vraiment une actrice très très très impressionnante. Marjorie, toi, non, des gens qui ont c'est lié quoi? Ah oui, totalement. Qu'est-ce qui, ouais, ah, mais moi j'ai un rapport, en plus je suis très fan dans le cœur, dans l'attitude. Ouais, ouais, en fait je suis pas forcément fan de beaucoup de gens, mais quand je suis fan, ouais, bah je suis amoureuse de la personne, hein, donc je peux aller très très loin, hein. Si ça existe, ta vie c'est d'être fan. C'est d'être fan, exactement. Pascal Obispo 2004. Exactement, merci. Ça fait deux fois qu'on s'est Obispo. Je ne suis pas fan de Pascal Obispo, par non, exemple. En revanche, voilà. Par exemple. Non, mais ouais, carrément, moi mon rêve un jour c'est de pouvoir réaliser des films aussi, et de d'accomplir ma vie en mettant dans les films, ouais, des gens qui moi m'ont fait rêver quand j'étais petite, donc ouais, complètement. T'as des noms en tête comme ça? Bah, les inconnus, moi je les adore. J'ai fait un tout petit micro rôle dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon qui est sorti. T'étais vachement bien d'ailleurs dedans. Arrête. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, je le pense j'ai vraiment. Trop peu de, je vous trouve trop peu formidable de choses, en fait. Mais excusez-moi d'aimer. Ouais, c'est ça, vous pouvez l'excuser de n'être qu'amour. C'est fou. C'est vraiment adorable. Non, mais c'est vrai. Après, t'as aimé l'album de Tony Parker, donc ça a fait relâche bizarre. Vraiment, relance pas ce sujet. C'est très très dur. En plus, il en chie en ce moment, c'est pas bien. C'est mieux, ouais. Bah ouais, ok, j'arrête. Ouais, ouais. Ok, je respecte. Mais on fermera ce podcast avec un petit Tony. Je respecte, mais c'est nul. T'as fait l'inverse de respecter. Pardon. C'est vraiment... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Et donc, il y avait Didier Bourdon sur le plateau. Bien sûr. Et je ne regardais que lui. J'ai tapé mon petit selfie avec lui. Et en vrai, il y avait une vraie émotion, un truc vraiment d'amoureuse. Tu peux lui dire que je l'aime bien, s'il te plaît. Ouais. Vas-y. Et voilà. C'est tout. Et donc, j'aurai ça toute ma vie, je pense. J'espère, en fait. Je trouve ça trop cool d'aimer des gens au point. Ouais. Bah ouais, tu vois, quand tu dis, genre, t'étais là, oh mon Dieu, il est humain dans la pièce à côté de moi. Et c'est ce que tu ressens quand t'aimes bien quelqu'un, vraiment beaucoup. Et c'est trop bien de ressentir ça. Je trouve ça triste, les gens qui ne sont fans de personne. C'est des fois, tu rencontres des gens qui disent, oh, moi, vraiment, j'ai ce rapport-là avec personne au monde. Mm. Et je trouve ça extrêmement triste. Ouais. Bah, moi, j'ai un peu. Voilà, bah, je te trouve triste. Mais je le suis, mais sauf que sinistre. La différence, c'est que... Sinistre. Ah, oui, tu oui. Es sinistre. Bah, tu c'est pour ça qu'on sinistre. D'ailleurs, on va te demander de partir, s'il te plaît. Contraster. Ah, j'allais dire quelque chose. C'est pas grave. Je ferai un truc. Vas-y, mec. Dis-le. Complètement cinglé, mon frère. Je dirai un truc sur Véro. Le réseau social, oui, le réseau social de la tristesse. Non, ce que j'ai... mais par contre, je me rends compte à posteriori, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de croiser Jean-Louis Trintignant et Adjani sur des tournages, et ouais. Je me suis dit, ah oui, en fait, ça me fait vraiment quelque chose de l'ordre de la chair vibré. De poule, quoi. Ouais, ouais, oui, donc clairement. Tu pensais être comme ça, et en fait. Donc... Et en fait, voilà, c'est une belle happy end. Belle ce, le et d'ailleurs, zombie, Jean-Louis Trintignant, c'était sur un film qui s'appelle Happy End. Bah, si c'est pas c'est incroyable, on arrête. Wow, la c'est la fin, on s'arrête. Et il y avait le papa du Miel et les Abeilles aussi sur ce film. Monsieur tu Girard. Tu as tout gâché. Ouais, je sais plus comment il s'appelait, le papa Attends. De Mallory Nataf dans Le Miel et les Abeilles. Bah si, c'est Monsieur Girard. Je sais plus comment il s'appelle. Alors non. Bah si. Mais les abeilles. T'es sûr qu'on le connaît, son papa? C'est pas le papa de Justine plutôt? Quand tu parles, c'est pas le premier baiser, le papa de en premier. Non, c'était dans Le Miel et les Abeilles. Là, je suis catégorique et pour moi, c'était le mec avec les lunettes. Dans Le Miel et les Abeilles, il y a quand même le mec qui jouait Giant Coucou. Oui, mais c'est pas lui parce que du coup, c'est en termes de. Qu'est-ce que vous êtes âgés tous autour de cette table? Non, mais il a fait quand même une carrière dans le porno. Avec la chanteuse d'Erita Mitsuko. Voilà, Catherine Ringer, il y a une scène, voilà. Elle chie de. Non, lui, elle chie pas. Mais il y a une photo où elle chie dans la bouche d'un barbu. Ouais. C'est vrai, allez sur internet, vous cherchez. Catherine Ringer, chie dans la bouche d'un barbu. Après, on juge pas, mais. Non, bah alors là, chacun son délire. Il y a eu un virage à 180 degrés quand même. Quand tu ne sais pas, tu peux être surpris. Ouais. Voilà. J'étais en train de regarder. C'est Gérard Pinto. Oui, c'est exactement, c'est lui, ouais. Gérard Pinto, non, j'ai pas de photo, qui est dans 54, et effectivement, il est dans Happy End de Michael Haneke. Ouais, tout simplement. Mais attends, je me rappelle plus du père dans Miel et les Abeilles, putain. Moi non plus. C'est celui qui parle comme ça. Je sais pas. Ah. Ouais. je me rappelle de Monsieur Gérard dont Justine est. Non, c'est pas Justine. Si. C'est qui en cache ça, gaga. C'est Justine tu ou pas? Tu peux arrêter, s'il te plaît? Non, c'est pas Justine. Non, mais c'est non, Justine, c'est. Non, Justine, c'est celle qui parle comme ça, crac-crac. Non, mais putain, c'est la camionnette. C'est sûr, c'est Jacques Chirac. Vraiment, aucun doute. Aucun doute. Justine, c'est celle qui sort avec Jérôme. Qui est la sœur de. Toi, tu parles d'Annette. Et Justine, c'est la sœur de Hélène. Mais non, Annette, exactement. C'est bon. Annette, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Non, sur non, ce mais sujet. Parce qu'avant Marvel, il y avait le AB, il y avait le AB. ABverse. ABverse, quoi. Ouais, bien sûr. Toutes les séries étaient reliées, quoi. Grave. Bah, Sébastien est sur son Fontel. Il vous baise. Putain, je vais juste regarder la photo des mecs. Et c'est la première fois moi, que je sors. Moi, je suis depuis le début. C'est clair. Je me fais sniper. C'est injuste. C'est injuste. Et alors, attends, moi. Anecdote. Oh, alors, je suis vraiment pas fort en anecdote. Je viens de me faire bifler. Je jouais dans une série et dans la figuration, il y avait une des filles d'à côté. Et qui était à côté de toi. Merde, non, mais attends. Non, mais elle faisait de la figure. Oui. Elle faisait de la figure. Il y avait une des filles d'à côté. Et ben, c'était incroyable. Je suis allé lui parler. J'étais amoureux. Mais un peu triste quand même. Ouais, c'était un peu triste. Ah oui, d'accord. Tu peux voir le. Alors, parce que j'explique, Sébastien est en train de nous montrer une photo du père. Non, mais. Non, non, mais. Enfin, mais du coup, je ressens. Ah non, il montre ses textos. Du coup, oui. Hein? Oh putain, mais ce haut de. C'est une chemise. Mais il avait pas un gros rôle, je pense, marquant. Parce que on se. Attends, moi, je m'en suis souvenu direct quand je l'ai vu. Je savais plus comment il s'appelait. Oui, c'était un. D'accord. Ouais, bah, dis donc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc que tu disais, Sébastien, aussi, d'être impressionné par le côté. Oui, ok, c'est pas que des rostas, quoi. Il y a aussi des mecs calés, des grands acteurs et des Rolls Royce. Adjani et Trintignant, c'est vraiment pas usurpé, quoi. Ouais. Avant de commencer à avoir la chance de faire des tournages, je pensais pas que j'allais regretter des trucs ou machin. Mais je pensais que je regrettais d'avoir jamais pu être dans un film de Luis Buñuel, par exemple. Et certains réalisateurs avec lesquels j'aurais adoré tourner, même être assis sur un tabouret à deux pieds et regarder le tournage, etc. Et c'est ce qui s'est passé sur le tournage de Haneke. Et voir. Trintignant en contre-champ qui donne autant voire plus que quand la caméra est sur lui et qui renouvelle des trucs en permanence, etc. ça a pas de prix. Oui, il faut savoir que parfois parce que j'explique pour les gens peut-être qui sont pas du tout au fait du métier, quand le comédien est filmé de dos ou en amorce, il donne un peu moins et il donne surtout quand c'est sur lui. Et là, toi, tu dis. Et parfois, il se barre et tu parles à une balle de tennis. Oui. Ou ça m'est arrivé ça. Et c'est un vrai truc qui existe. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est. Putain, mais tu vois, on pourra faire. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et c'est souvent des gens qui font la blague au début du tournage sur le contre-champ, j'aurais mieux à foutre. Et tu fais ouais. Et au contre-champ, apparemment. Sérieux. Peut-être ça coupera. J'ai juste mis un bip au pire. D'accord. Juste un bip sur le nom. Non, mais c'était sûr. Ouais, deux bips. En gros, il y avait j'avais une scène avec lui où c'était vraiment un dialogue entre nous deux et tout. Et alors, je précise quand même que le premier jour, il était nickel, il savait son texte, il était hyper sympa. Il m'avait donné des pastilles pour parce que j'avais mal, je perdais ma voix. Il m'a dit, mais attends, je vais te donner un truc, c'est super. Tu l'imites. Ouais, parce que j'ai bipé le nom. Là, c'est limite, on peut vraiment découvrir. Ah, là, c'est Chirac. Donc, ouais. Clairement, c'était Chirac. À l'époque, il était encore vert. Et le deuxième jour, plus tard, il est arrivé et clairement, il n'avait même jamais lu son texte. Il s'en battait un peu les couilles. Bon, soi-disant, il n'était pas bien, etc. Il a fait salut Adrien, ça va? Salut. C'est toi. Oh, mais celui-là, il va me dire son texte. Mais non, ça c'est Esteban. Vachement bien. T'as vu? Tu fais vachement bien, Esteban. Ah, putain, il a reconnu, je suis trop fier. Bien sûr, il le connaît, c'est deux poteaux. On coupera toute cette anecdote. Ah non, moi j'aime toutes les imitations. D'accord. Et donc, on a beaucoup de temps à lui faire dire son texte. On a commencé sur lui. Vraiment, il a mis du temps. Et il galérait. Il galère, machin. Et une fois qu'on bascule, pour sa défense, quelqu'un de l'équipe lui a dit « Vous pouvez partir hein, si vous voulez. » Quelqu'un de l'équipe lui a mis un coup de couteau. On peut quand même dire que c'est... Mais normalement, tu dis « Bah non, non, non, je vais rester donner la réplique. » Lui, il a fait « D'accord. » Il est parti au bar de l'hôtel et j'ai joué avec, en face de l'assistante réelle qui était pleine de bonne volonté mais qui lisait les répliques, quoi. Et du coup, c'est pas pareil quoi, que de jouer. Est-ce que ça t'a dégoûté du métier ? Pas du tout, bah, surtout que j'ai été excellent, ça se voit pas au final. Ouais. Tu ne vois aucun. De toute façon, tu te dis, t'es excellent. Mais arrête, mais... je viens de le dire. Mais je le pense, c'est incroyable. Non, non, non, mais c'était. Ouais, j'étais un peu chafouin. C'est pas très. C'est ouais. Pas du tout le mot d'ailleurs, chafouin, c'est pour dire, voilà. On emploie ce mot, je viens de l'employer. Déçu. Pas déçu, mais un peu vénère quoi. Genre, reste donner la réplique quoi. Nous allons passer à la suite de ce podcast car j'ai reçu des questions. Pour vous tous. Oh, tu fais chier. Tu sais qu'un jour, je vais juste te laisser dans ta merde et t'assumeras les conséquences de tes actes. Je serai pas toujours derrière t'adore ton petit dos. T'adores ça, donc j'adore arrête. Ça, mais ça me fait des heures de montage et ça me donne envie de crever. Nous allons donc passer au... Non, j'allais dire, recommence la phrase. C'est trop gentil. Et je te promets, je dirai. Merci. On passe à la suite de l'émission. J'ai dit aux gens que vous étiez là et ça les a ravis. Déjà, sachez-le, ils étaient ravis. Et ils ont posé des questions à vous quatre. Alors, je vais vous les lire. Tout simplement. Je vais commencer par Simon Astier. Outre un problème de santé dont j'ai entendu parler, quelle a été ta plus grande difficulté pendant la création-production d'Hérocorp ? Tu as 45 minutes pour répondre à ce podcast. Non, mais d'ailleurs, le problème de santé, t'en avais parlé pendant le podcast, non ? Il me semble, non ? Je sais pas. Non, bah, je sais pas. En tout cas, la personne a l'air au courant. Donc, mais non, mais c'est parce que vu que le tournage s'était arrêté pendant longtemps, ouais. Et les gens avaient un peu cofinancé avec Ulule, donc j'avais dû dire quand même pourquoi on s'était arrêté. Ouais. Ce qui a été le plus dur, rien. C'était une gastro d'ailleurs, rappelons-le. Une petite gastro. En fait, c'était un long accouchement de 10 ans, mais il n'y a rien qui n'en valait pas la peine. Donc, c'était un challenge permanent. Non, mais il n'y a rien de négatif. C'est une parenthèse merveilleuse dans ma vie, et professionnelle et personnelle. Puis t'as quand même dirigé Adrien Méniel. Oui. Et ça, on peut dire quand même que c'était un... Ouais. Patrick Pudéba et Arménien Méniel. Arménien Méniel. Qui est la version arménienne. Ça te va bien. Ça te va mieux, on peut le dire. Je faisais Aznavour et Arménien Méniel. Moi, j'essaie d'imiter que Jacques Chirac. Je suis dégoûté parce que je ne peux pas jouer à ce jeu. Je peux le faire ? Mais tu sais qu'il y a Jacques Chirac autour de la table en plus. Jacques Chirac ? Écoutez. Il est bien. Merci. C'est pas possible. Moi, je vais dire que écoutez, vraiment. C'est impossible de répondre à autre chose. Et c'est bien parce qu'après, on a un jeu basé sur l'imitation. Sébastien se régale d'avance. Alors, la question suivante est pour un peu tout le monde. Est-ce que vous avez suivi la vague du delete Facebook ? Ou est-ce que vous comptez le faire ? J'en ai même pas entendu parler. Des gens qui effacés de Facebook. Tu veux dire delete Facebook ? Je vais te reprendre à chaque fois. Excuse-moi, j'ai une Birkin. Je comprends pas ce que tu dis quand tu dis pas avec le bon accent. J'ai un accent moyen. Moi, j'ai pas suivi ça. C'est quoi en fait ce truc ? Moi non plus. J'ai l'impression que c'est juste des gens qui se cassent de Facebook, non ? C'est pas ça ? Et pourquoi ils font ça ? Pas Big Brother. C'est Big Brother. Pour moi, c'est Black Mirror. C'est Black Mirror pour moi. Les mecs, tu mais postes une photo, trois ans après, elle est toujours là, la photo. Quoi ? Mais tu sais qu'en plus, ça, les Simpsons, ils en avaient parlé dans un épisode. Hein, c'est vrai. Non, toi, t'es même pas sur Facebook, Simon, toi ? Moi, j'y étais au tout début et en fait... T'as accepté tout le monde, c'est oui, ça ? Oui, et en fait, j'ai un problème avec Facebook, c'est qu'on peut mettre des trucs sans me demander mon avis et ça m'angoisse terriblement. Donc, tu peux régler hein, dans les paramètres que... Je suis inquiet, mais tu m'aideras à le faire. Bah, il faut que tu recrées un compte du coup. Non, mais j'ai un compte que j'utilise pas. Moi, j'utilise que Twitter pour communiquer avec les gens et c'est là où c'est le plus facile pour moi. Je crois que les gens ont un rapport compulsif avec ça. Du coup, le meilleur moyen, c'est comme arrêter la clope, c'est censé s'en débarrasser. Je pense que c'est ça l'idée. Bah, moi, j'ai entendu un truc à la radio. Les gens disaient, en fait, c'est le prix est cher à payer. C'est-à-dire qu'au final, juste pour voir ce que les gens bouffent. Quoi ? Non, ça n'a rien à voir. Il se foutait de ma gueule, pardon. Pas du tout. C'est fou. Les gens disaient, en gros, de ce que j'ai compris, c'est quand même cher payé que pour voir juste ce que les gens de son entourage mangent ou où ils partent en vacances, de donner des informations aussi précises sur son existence. Mais on n'est pas personne. Obligé de donner des informations. Bah, c'était ce que disait à la radio. Mais c'est quoi gens... c'est le tribunal des des arguments que tu es en train de créer. Oui. C'est un tribunal un petit peu étrange. T'as pas l'habitude qu'on te dise non, je sais, Simon. Parce que t'es le petit prince de la série française et je fais ce que je veux. Et oui. Alors... Mais là, on n'est pas sur un tournage, tu me diriges pas, mon pote. C'est vrai. Non, non, mais... Non, mais je m'excuse. Non, mais il n'y a pas de souci. Pardon. On présente ses excuses normalement. On ne s'excuse pas. Je présente mes excuses. Ouais. Toi, Adrien, en plus, je crois que tu as supprimé Twitter de ton téléphone. J'ai l'appli, mais je vais plus sur Twitter depuis, je sais pas, 2 mois, un truc comme ça. Et ça te fait du bien? Ouais, un peu. En fait, ça fait vraiment quelques temps. Enfin, moi, j'étais. Enfin, c'est un secret pour personne, je pense. J'étais beaucoup sur Twitter. C'était. Voilà. Et, t'as quand même fait trembler Cyril Hanouna, rappelons-le quand même. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bah oui. J'ai pas mal de buzz à mon actif. Ouais. Non, non, mais en fait, ça fait quand même quelques. Ça se compte peut-être même en années où je trouve que Twitter, ça devenait un peu toxique globalement comme. Ouais. Comme atmosphère, je veux pas rentrer dans les détails, c'est juste que je sais pas, je m'y plaisais de moins en moins et ma façon d'être dessus me plaisait de moins en moins aussi, où j'étais tout le temps à surveiller combien j'ai saisi un objet sans faire exprès, c'est pas très radiophonique, pardon. Ouais. J'étais vraiment à surveiller combien j'avais de retweets, machin, etc. Et puis putain, mais t'es une merde. Oui, j'étais une merde, absolument. Non, et en plus, non, en fait, je pense qu'il y a, il y a aussi un. Mais c'est toi, tu parlais de rapport compulsif et tout. Et en fait, il y a vraiment ça. Ce que je ressentais, c'était le côté. Tu fais un tweet qui marche dans ta journée et tu as l'impression d'avoir un petit coché un petit accomplissement dans ta journée. Et du coup, tu as un peu l'illusion d'avoir fait quelque chose. Puis en fait, tu vois, c'est une petite satisfaction, ouais. Un petit shoot de ta satisfaction. Mais en fait, tu fous rien, en fait. Enfin, tu vois, mais t'as un peu l'illusion d'avoir fait un truc et tout. Et en fait, à un moment là, j'ai dit, bon, vas-y, j'y vais plus, je prends mes distances. Et en fait, tu te rends compte que très vite, ça te manque pas. Et que du coup, tu rediriges un peu ton énergie vers d'autres choses. Et en plus, t'es pas à interagir ou à même juste subir des trucs que tu trouves un peu toxiques et tout, etc. Et... Surtout, tu trouves. Et en fait, la contrepartie positive que je trouvais vachement supérieure à une époque où vraiment je me disais, ah, il y a vraiment. Enfin, il y a des prises de parole super importantes, hyper positives, et puis il y a plein de trucs drôles et tout, que en fait, maintenant, ça me manque pas tellement. Enfin, tu vois, je me dis pas, ah, j'ai raté un sacré mème. En fait, je me dis juste, t'as raté mon énorme bad buzz avec le sponsor Warner. Ouais, voilà, mais en fait, j'ai l'impression que je rate des trucs comme ça. Ouais. Et à chaque fois que je parle à des gens qui me parlent de trucs sur Twitter, c'est que des trucs négatifs, quoi. Ouais. Genre, ah, machin, il a dit ça, et puis machin, ah, t'as vu, la connerie qui a dit machin et tout. Et en fait, je sais pas, je m'en fous, j'ai pas envie de. Je sais pas, je trouve ça. En ce moment, en tout cas, tu veux pas de ça. Ouais, en ce moment, puis ça me manque pas. Et puis je suis bien, je fais des stories sur Instagram, je suis content. Okay. Voilà. Ok. Mais tu vois, en plus, Chirac a un avis assez précis sur ce truc. Écoutez. Ouais, voilà, c'est ça. Il était super, Chirac. Il était beaucoup mieux que le précédent, ouais. Ah, Simon, t'es revenu, t'as raté, il y avait Chirac qui était là. Incroyable, c'est vrai. Le président. Jacques Chirac, ouais. Marjorie. Peux-tu nous parler du quotidien qu'on connaît peut-être un peu moins chez les comédiennes, entre parenthèses, casting, relation avec agent, choix. Harcèlement. Ah, oui. Jamais, tu sais. Ça commence à être vexant, hein, ce ouais. truc. Tu nous parlais en antenne, si tu veux bien le dire pour les c'était auditeurs. C'était merveilleux. D'un casting. Putain, mec, il a teasé. Lequel j'ai raconté deux choses. Ah, non, un casting que tu as pu vivre, sans dire les noms, mais un truc, genre de casting que tu as pu vivre. Par exemple, genre de rôle que peut-être failli avoir. De toute façon, dans l'ensemble, ce que je peux dire sur les castings, moi, en tout cas, je le vis comme ça, je le vis comme une expérience très humiliante. Voilà, c'est bien simple. Si on devait choisir un adjectif. Non, mais l'avantage de devenir, j'imagine, une grande actrice connue, c'est que tu n'as plus besoin de passer de casting, parce qu'en vrai, c'est nul de passer des castings. Moi, déjà, quand j'attends pour un casting, j'ai vraiment l'impression d'attendre des résultats d'une maladie grave. Tu vois, il y a un truc où on est tous comme ça à attendre notre tour pour passer un casting. Et je après, pense c'est que souvent les une expérience. Malades adoreront ton analogie. Imagine les malades comédiens. Un cancéreux qui dit c'est pire. Si je peux me permettre, en tant que cancéreux, c'est un peu pire nous. Quand même. Eh bien, je en vais. En tant que cancéreux qui passe des castings. Mais c'est ça, j'ai une pensée pour les comédiens. C'est sûr d'être cancéreux. Écoutez, chacun ses problèmes. C'est vrai. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais voilà, ouais, il y a quelques castings assez humiliants. Et dernièrement, j'en ai pas passé un, puisque j'ai refusé de le passer. On m'a proposé un casting pour un film et mon personnage n'avait pas de nom. Il était juste décrit comme. On peut dire que ça commence mal. Quand la on meuf. Ouais. Enfin, j'ai l'habitude, mais parce que je suis forcément pas castée pour des gros rôles, ouais. Parce que je ne suis pas encore. Essentiel au paysage cinématographique. Ça ne saurait tarder. Et mon personnage était décrit comme fille moyenne, mais qui fait sexe. Et j'ai trouvé... Bah, je partant de là, je me suis dit, bah non, juste tout simplement, voilà. Et c'était catastrophique, vraiment catastrophique comme description. Et moi, j'ai envie de dire, oh, mec, mais changez les noms. Bah, en fait, juste... Mais t'as essayé un petit peu dans le sens du... Dites juste Inès. Ou juste un prénom. Ouais, c'était ça, mal écrit. Et, c'était... et j'en ai passé un autre, donc je racontais... Il y a... je peux pas... Non, je peux... non dis pas les noms, dis pas les noms. Non, pour un film qui est déjà sorti, du coup. Où on m'a dit, le réal veut te voir... il a pas besoin que tu passes le casting, il veut juste te voir. Et j'ai vraiment passé juste une entrevue 15 minutes très gênante où la personne m'a demandé de me lever et de tourner sur moi-même. Oh là là. Et ne m'a pas prise. Ça veut dire que je suis définitivement moyenne. Mais quel était le personnage? On peut le dire quand même. Le personnage. Il n'y avait pas de nom non plus, je crois. Non. Mais c'était Jumanji. Ils ont pris The Rock. Donc effectivement, bon. Je ne faisais pas le poids. Le personnage, c'était un personnage d'hôtesse de l'air, nymphomane. Qui a la tourista. C'est-à-dire qu'on était sur trois couches. Vraiment, trois couches ah bah de, tourista, de profondeur. Oui. De, c'est de le minimum, personnage. Trois couches. Chirac, t'as mis sur la base d'Adrien. Écoutez. Essaye un autre truc, essaye un autre mot quand même. Effectivement. Ça marche. Avant la fin de ce podcast, on a une phrase complète. D'accord. Donc en gros, voilà. Non, mais c'est très chouette d'être comédien, mais on passe par des moments comme ça un peu absurdes. Ouais. Mais alors, est-ce que vous avez vu cette vidéo du mec qui joue dans Breaking Bad? Oui, de Bryan Cranston. Oui. Oui, bah, c'est à ça que je pensais. Oui, voilà, tu fais des castings. Ah, oui, oui, oui. En fait, t'amènes ce que t'es. Exact. Oui, mais là, t'amènes ce que t'es quand c'est le rôle d'une hôtesse de l'air qui a la tourista, excuse-moi. Bah ouais, mais attends. Tu peux venir présenter. Et puis de toute façon, je même pas, il m'a on a même tous pas un demandé rapport de à la chiasse, c'est différent quoi. Non, mais je trouve que cette vidéo de Brian machin là, elle remonte le moral des comédiens. C'est le pire des trucs au monde. Et, ouais, et, c'est dur. Et quand on fait passer. Encore une fois, moins dur que le cancer. Ouais, j'ai encore le cancer. Ah, ouais, pas sûr. Le truc peut-être encore pire en tant que comédien, c'est de passer zéro casting. Donc ça, c'est aussi pas ouf. Voilà. Bah, et à la fois, je suis pas sûr parce que c'est vraiment très humiliant en fait de passer des castings. Moi, j'en passe quasiment plus. Hein, c'est bien de s'aguerrir un peu, tu vois. Et puis de se dire, il y a quand même des gens qui témoignent de l'intérêt pour moi. Moi, t'as pas passé de casting pour moi parce que moi, je connaissais ton talent. C'est vrai, mais je tourne exclusivement pour des gens que je connais personnellement. Le monde extérieur ne s'intéresse pas à moi. Non, juste, je voudrais raccrocher deux trucs. Tu parlais de E.T. tout à l'heure. On parle de casting maintenant. Je vous recommande d'aller voir sur YouTube le casting du gamin qui joue Elliot. Bien sûr. Mais c'est fou, quoi. Le môme en casting, il... Mais attention, casting. T'as des bons castings. Moi, je connais un direcast sur Paris qui fait des castings, mais incroyables, parce qu'il reste une heure avec les comédiens. Mais c'est qui et donne son nom? Il mérite de la Jacques pub, Chirac. Tom. C'est Jacques Chirac. Bah, je pense, oui. Il s'appelle Mohamed Bellama. Et il a tellement de gros cons. Il travaille avec, principalement avec Audiard. Donc après, il travaille sur des bons films. Mais en fait, moi, je lui ai servi de réplique, parce que quand on est comédien, on peut faire ça aussi. On nous appelle parfois pour donner la réplique à d'autres comédiens. Et moi, comme je le connais bien, pas du tout. Si. Et c'est vraiment cool. Non, sérieusement. Non, sinon, je sais pas. Et bah voilà, c'est intéressant à faire. Et parce qu'en plus, c'est intéressant à faire parce que toi, tu te retrouves dans une position où tu challenges un peu le comédien qui est en face. Ouais. Et moi, je me suis retrouvée à faire des sessions de casting avec ce mec, mais génial, où ça durait toute la nuit. On était avec des gars pendant une heure. Souvent, c'est même pas des comédiens, c'est des mecs à qui tu t'apprends à jouer. Au moment même du casting, et c'est trop bien. Donc il y a casting et casting. Moi, j'en passe des nuls, voilà, des très nuls. Mais c'est aussi le métier, c'est ce qu'il faut dire. C'est que, de toute façon, c'est aussi. Moi, je me souviens pour. Bah, toi, tu parlais d'E.T., il y a Jacques Chirac qui a passé le casting pour E.T. Tout à fait. Ah ouais, c'est bien, c'est trop, trop bien. J'avais une question, pardon, putain, je m'affale sur mon siège. Da. J'ai pu. Comment? J'ai dit da. Mafalda. Ah oui, pardon. Ce qui veut dire oui en russe. J'ai plus vraiment la question, excuse-moi. Mafalda, c'est Sébastien. Mafalda aussi, voilà. Bon, voilà. Une question pour Sébastien Chassagne qui était, je l'ai plus devant les yeux, mais en gros, c'était qu'est-ce que ça fait de passer à une production à qui a l'air un peu petite d'OCS à des grosses productions comme peuvent l'être Gaston? Est-ce qu'il y a. C'est quoi le gros changement en tant que comédien? Bah, l'avantage que j'ai sur la petite série OCS en question, c'est que j'ai le rôle principal, donc je suis très investi dedans. Donc, alors que sur les grosses productions, j'ai des participations moindres et c'est fou comme ça fait une énorme différence en termes de création et de boulot. C'est-à-dire que sur OCS, je peux vraiment m'investir vraiment en amont et même sur le tournage, je peux vraiment faire à peu près ce que je veux dans le sens de la création, évidemment, pas dans le sens des demandes bizarres. Excellent improvisateur. Oh, c'est gentil, merci. On peut le dire. On peut le dire. Ouais. Et sur les grosses productions, bah, ça dépend. Parfois, j'étais un peu perdu comme un piou-piou au milieu de nulle part. c'est pas ouais, ça peut être des grands vertiges. En fait, c'est très dur de passer. En fait, j'ai pris une très mauvaise habitude, c'est que je m'entends très très bien avec le réalisateur, je m'entends très bien avec les co-scénaristes, les Rosset, avec le reste des équipes, etc. Donc c'est vraiment un projet finalement de troupe, et enfin ça l'est devenu par la force des choses aussi, par la précarité des choses. Faut pas se le cacher, et passer dans des rapports un peu plus froids, un peu plus pro, un peu plus distant, c'est ça peut être. Ça peut être voilà, une autre manière d'aborder le travail qui n'est pas évidente du tout. Mais qui n'est pas forcément mauvaise pour la création aussi. Non, pas du tout. C'est ouais. juste que je dis juste que j'ai été très mal habitué à être ouais. aussi proche de bah. Mon sujet et d'un seul coup d'être... Et voilà, et ce que fait Adrien dans la saison de D'Irresponsable, je trouve ça admirable parce qu'il vient faire une panouille une demi-heure. Ça donne une scène d'ouverture de l'épisode 3 qui est géniale. Mmh. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, de venir faire une panouille sur un projet de plus grande envergure. C'est la soirée des compliments. Mais en gros, non, mais que de pour Adrien, ça qui est assez dingue. Non, mais je suis... bah, merci. Hein, je... Mais parce que t'as sauvé un môme, c'est la moindre des choses. T'as sauvé un môme. Et sur les grosses productions, parfois, tu as des jours de tournage très, très éloignés les uns des autres. Là, je viens de faire un film qui était étalé sur 3 mois. J'avais 6 jours de tournage. On peut dire le titre, c'est quand même de Batman. C'est dans Batman. Ouais, je suis dans Batman et je fais Batman. Ouais. C'est hyper chelou comme temps de travail. Je suis pas hyper présent. Ouais, mais c'est hyper bizarre. C'est du point de vue d'Alfred. Il se fait vraiment yèche dans le manoir. Il y a juste Batman de temps en temps qui fait. Il va acheter du Windex. Ben, je veux voir ce film. Carrément. Mais il y a un très bon truc de Batman qui s'appelle Gotham Central sur, oui. de Greg Rucka. C'est excellent, ce comics. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. C'est que parfois, c'est pas forcément moins agréable. Tu peux avoir de très belles scènes, de très bons trucs, mais c'est juste pas le même travail. Il faut que ton cerveau soit prêt à faire ce changement. Oui, mais sauf que moi, je suis pas... Enfin, quand je fais 6 jours un truc, c'est parce que je fais d'autres choses en même temps. Et tu vois, t'es pas... Enfin, c'est très difficile de rester 3 mois sur un personnage que tu joues 6 jours ouais. en tout, quoi. Très bien. Voilà, bon, je vous en prie. Et il y a une question un petit peu plus... comment dire peu, qui, la réponse demande moins un truc profond, mais est-ce qu'il y aura une saison 3 d'Irresponsable? Oui, alors je crois que ça a été validé, ouais. Oh, il me semble. Cool. Ouais, bonne nouvelle. Ouais, ouais. Et donc, je suis dedans. Non. Tout autour du personnage. Ouais, on l'a proposé à Fred en plus. Ouais, mais il m'a dit que non. Il a même pas fait semblant de réfléchir. Non. Il est venu me voir exclusivement pour me dire ça à l'avant-première. Il m'a dit, tu sais, tu seras pas dans la saison 3. Enfin, il l'a pas dit comme ça. Il m'a dit qu'il était très content, mais qu'il y aura pas le banquier. Voilà. Il y aura, ouais, c'est chiant parce que c'était bien. Et mais oui, mais... Oui, ça se tournera, j'espère, en octobre. D'accord. Bah, en tout cas, aux States. Bah, il fait une carrière de rap et de basketteur. C'est un peu inspiré d'un mec, wow. mais on n'en parlera pas ici. Oui, parce que je voulais juste te dire, c'est que la personne était, elle a écrit un long message pour dire qu'elle était très fan de cette série et que même elle était abonnée à OCS pour regarder cette série. Putain, ça va faire plaisir à OCS. Hein, voilà. Parce qu'ils sont persuadés que tout le monde est sur les sites de streaming avec les pubs qui te proposent d'essayer pour des sites avant de se branler. Bah c'est bien s'il y a des gens qui s'abonnent à OCS avec Irresponsable, hein. Ça va faire plaisir à Boris Duchesnay. Sinon, moi j'ai les liens Vimeo. Simon Astier, elle est sur YGG. Simon Astier, es-tu en train de bosser sur une nouvelle série HeroCorp? C'était hyper bien. Merci. Bah oui, je travaille sur une autre série. Enfin là en fait, je prépare beaucoup d'autres choses, mais notamment ça, parce que on vient de parler de séries, de petites séries sans budget, donc du coup qui demandent beaucoup d'implications. Voilà. Humainement parlant, ça demande vraiment un vrai engagement. Donc, ça crée des tribus de boulot qui sont dingues et qui peuvent gravir toutes les montagnes du monde. Donc, j'aime beaucoup cette énergie-là. Là, je fais d'autres trucs en ce moment qui me reposent un peu l'esprit après 10 ans d'HeroCorp. Mais oui, j'arrive avec une autre série. Je sais pas quand encore, mais c'est dans les... Et j'ai une question. Alors, elle est pas anonyme. C'est d'un A.M. qui dit « Adrien Méniel aura-t-il un rôle prépondérant dans cette série ?» Bah, franchement, oui. Je peux te dire que oui. Pas de promesses qui ne seront pas tenues. La AM peut en tout cas être heureux. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Excusez-moi. Amélie Mauresmo. Marjorie, j'ai vu une vidéo. Alors, putain, j'ai plus la question, mais en gros, c'était sur. Ça parlait de la vidéo que tu as fait avec Léopold, qui était un sketch que tu as fait. Est-ce que tu comptes t'orienter plus vers la fiction ? C'était la question qui se posait. Et moins du facecam sur ta propre chaîne. Moi je réfléchis pas trop. Ouais, ça. Tu fais un peu au feeling. Non mais t'as tu penses pas à ta chaîne YouTube comme un truc. Pas du tout. Je pense pas à ma chaîne YouTube. Non. Je fais des trucs des fois quand j'ai envie. Non, en vrai, En ce moment, j'écris un film. D'accord. Donc, mon grand projet... Ah, ça fait un peu prétentieux. Non, c'est trop bien. Je fais partie de ces 1000 personnes qui écrivent des ouais, films. Bah, écrit des films ouais, bah 1000 personnes sur 60 millions, pardon. C'est pas tant. Mais en vrai, c'est vraiment le truc que j'aimerais bien développer, donc de la fiction, oui. Et du coup, ça... Ouais. D'accord. T'es plus orienté fiction, quoi. Bah, j'ai toujours été orienté fiction. Ouais. Moi, avant, bien avant YouTube, c'est toujours ce que je voulais faire, en fait. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, c'est noté. Voilà, bah, je peux juste dire un truc sur cette vidéo supplie. Parce qu'il y a un truc qui me fait un peu rire, cette vidéo que j'ai faite avec le Pérave. En fait, bizarrement, il y a un phénomène avec cette vidéo, c'est que quand les gens la voient, ils sont persuadés que c'est le Pérave qui a écrit et réalisé cette vidéo. Et je trouve ça extrêmement humiliant. Bah, voilà. Déjà, c'est quoi cette vidéo? Première chose qu'on va dire, c'est qu'il n'est pas si talentueux. Non, mais c'est vrai, il n'a pas le talent pour écrire une aussi bonne vidéo. Mais c'est horrible. Non, non, je te le dis. Non, mais il n'y a aucun problème. Alors là, Léopold, on est très honnête avec Léopold dans ce podcast. Ses propos n'engagent que toi. On joue à Fortnite ensemble. Non, vraiment, les gens pensent que c'est... Parce qu'il y a vraiment écrit Marjorie Lenormand sur la chaîne YouTube. Mais il me l'a dit et je m'en suis rendu compte. Même dans les commentaires, c'est-à-dire que les gens sont sur ma chaîne, il y a ma photo, mon nom, et dans les commentaires, les gens font « Bravo Léo ». Et tu fais « Allez vous faire enculer tous en !» fait. Ah, mais c'est là où tu lui dis « T'allais te faire enculer à la fin ?» Oui. Ah, c'est drôle ça, je trouve ça très drôle. Oh. Bravo. Ouais. Vous êtes vraiment plein de talents. Hein. Ah, vous êtes tous plein de ressources. Non, mais c'est vrai, je trouve ça vraiment drôle. Voilà, du coup, je trouve ça marrant, mais c'est tout. Et j'ai une dernière question, pardon, pour Simon, parce qu'elle est un peu technique, mais intéressante. Simon, HeroCorp est la seule série que je connais qui a été rachetée par Netflix. Alors, il y en a d'autres, hein, parce qu'on a vu d'autres séries France Télé, mais en gros, comment ça s'est passé, HeroCorp sur Netflix? Est-ce que c'est toi ou eux qui l'ont proposé? C'est toi ou eux qui ont produit la nouvelle saison? Donc ça, non, on peut le dire. Comment ça s'est passé C'est Universal qui a les droits de distribution d'HeroCorp depuis le début. C'est un partenaire vraiment depuis le tout début. Et c'est eux qui ont vendu, loué leurs droits pendant 18 mois à Netflix. C'est vraiment, moi, j'y suis pour rien. D'accord. Pour le coup. Ah, c'est pendant 18 mois, c'est pas genre à vie? Ah non, c'est jamais à vie sur Netflix. D'accord. Ouais. Jamais. Les gens croient alors que pas du tout, en fait. Ouais. Non, c'est ou renouvelé ou alors des même ça peut être plus court encore que ça. D'accord. Et Irresponsable, est-ce qu'ils comptent le sortir en DVD un jour ils ont peur de pas en vendre assez. D'accord. Je le dis, hein, je m'en fous. Hein, de toute façon, il reste une saison, putain. Puis ma carrière est déjà derrière moi. Non, mais... le Gainsbourg. J'ai brûlé ce menu de pizzeria. Je vais faire un truc un peu politique. écoute, ils aimeraient bien, mais le problème de sortir des DVD, c'est qu'en fait, on est sur du 10 minutes, entre 10 et 15 minutes utiles par jour. Donc, ça veut dire qu'on tourne beaucoup, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, on a très peu de bonus à proposer, de trucs, de machin. Et je crois que le DVD, c'est un format qui, malheureusement, est obsolète. Complètement en série. Sauf peut-être pour les contenus additionnels. Et sauf que là, comme on n'en a pas à proposer, je crois que c'est pas... Voilà, c'est pas prévu. Après, il y a un contrat d'exclusivité sur 3 ans avec OCS de toute façon. Donc, si ça doit sortir ailleurs, ce sera pas avant 2018. Mais on est en 2018, Sébastien. Ça, c'est dingue. Je sais pas compter. La première saison peut sortir à partir de 2019 ailleurs, mais c'est le cas. On peut la voir. Et ça, accrochez-vous à vos pantalons sur TV5 Monde. Ah. Et ben, c'est vachement bien. C'est pour bien le coup. Parce que c'est accessible, au moins. C'est diffusé partout dans le monde. Au Canada et en Australie, c'est super pour la série. Sur SBS. Allez. Non, mais c'est cool. Parce qu'effectivement, moi, je me demandais si ça restait sur OCS longtemps, parce que ça reste un abonnement payant et des gens n'ont pas les moyens. Sur le territoire français, oui. Oui, mais genre, je sais que Lazy Company, qui était un truc sur OCS, après l'exclu, est passé sur Netflix aussi. Et maintenant, est sur Netflix. Ouais. Mais ils sont passés par la case France 4 et maintenant, ils sont sur Netflix. Mais attends, tu dis sur le territoire français, TV5 Monde, on peut l'avoir en France. Mais ça sera pas en je sais plus comment ça marche, mais normalement non, normalement il y a que OCS c'est ça, mais c'est doublé par d'autres gars. Mais TV5 Monde, c'est une chaîne qui diffuse en français dans tous les territoires normalement. Ouais, mais c'est pour ça qu'il dit normalement il y a alors peut-être que l'exclusivité c'est passionnant peut-être que l'exclusivité sur la saison 1 a déjà sauté. D'accord. C'est des petits secrets de l'industrie, hein, j'ai l'impression. Tu es belge. Je suis belge, bonsoir. On va bientôt se quitter, je tiens à vous le dire, avec un petit jeu qui j'adore les jeux, est peut-être très raté. Alors voilà, donc il faut savoir que c'est un saut dans le vide. On parlait de saut dans le vide avec Sébastien tout à l'heure. Ah bon ? C'est une sorte de... Voilà, là on est sur un saut dans le vide. Alors déjà, il faut que je trouve exactement le bon moment. C'est un jeu dont on a eu l'idée avec Adrien. Enfin, non, enfin, ça c'est trop pas bien, seulement, putain. Mais c'était hier. C'était en fait, hier, on a fait un tournage avec Pierre Lapin et Guillaume Malissem. Sen. On a fait un tournage avec eux et on a eu une idée autour du chanteur Eddie De Pretto. Alors, est-ce que vous voyez tout ce qui est Eddie De Pretto? Vous voyez, c'est artiste. Oui, absolument. C'est le nouveau Jacques Brel. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est le nouveau Jacques Brel. Et il a une chanson qui s'appelle La Fête de Trop. C'est très compliqué à expliquer ce que je vais vous dire, mais peut-être, je sais pas si Adrien on a eu. Adrien a l'air consterné. Parce que c'est vraiment une private joke qu'on va du coup propulser en tant que. Donc jeu, elle peut s'écraser. Je sais pas quel Apollo on a. Je sais pas si on va sur la Lune ou si on s'écrase dans la galaxie. Je vais vous raconter des histoires et il faut me dire ce que c'est de trop. Sachant que la chanson, c'est La Fête de Trop. Je vais vous faire écouter la chanson. Ouais, il faut. Ouais. Sur la piste d'argent, c'est la fête de trop. Moi je l'ai fait, et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Voilà, c'est la fête de trop avec cette voix un petit peu particulière. Donc je vais vous dire des trucs. C'est pas clair pour l'instant. Pour le moment, c'est pas très clair. Pour personne. Un exemple. Je vais vous faire un exemple. Adrien pourra répondre parce que lui il connaît un petit peu le jeu. Alors Adrien, imaginons, Eddie De Pretto n'en peut plus de ce complexe agricole qui contient de nombreux animaux. C'est la ferme de trop. Donc je vais vous dire. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça part très très mal et j'adore. En fait, je me suis dit le sujet de la nostalgie, ça va être peut-être un peu sérieux. Peut-être sur la fin, on peut partir sur quelque chose. Moi j'adore, je suis fan, je te suis à fond. Sachez que le point n'est validé que si vous prenez la voix d'Eddie De Pretto. Voilà. Donc je vais vous dire plusieurs activités. Sur Twitter, enfin pour les auditeurs, bon, vous pourrez en proposer évidemment à de nombreux. J'ai le droit de jouer ou pas? T'as le droit de jouer, tu sentiras sur lesquels. Si au début tu fais 12 points, voilà. Ouais, okay. Je vous en fais une, alors il n'y a pas de buzzer. Je vous rappelle qu'il faut bien avoir la voix et que la voix de Chirac ne compte pas. Ah, on peut la réécouter, sa voix. Alors ouais, je vous remets tout de suite la voix. Tu fais ça. Ok. C'est là. C'est ça jusqu'au fiasco, c'est là. Faites de trop. Oui. Ouais, tu fais comme ça. Clairement, c'était pas ça dans la voix. Voilà. C'est une sorte de Shakira de un peu masculin. C'est vrai, voilà, c'est vrai, ça. Donc, fête de trop. L'acteur. T'as le comédien, il a mis le masque. Il a mis le masque du comédien. Ah, il est dedans, là. Daniel Day-Lewis. Il va vivre une semaine dans la peau des vieux plateaux. Il va mettre un imper trop grand. Et... Voilà. Se faire une coupe au vol. Donc, vous êtes prêts? Ah putain, ouais. Je demande à Maxime. Alors. Je tiens à le dire aux gens qui, parce que là, je pense que ça se bouscule un peu au portillon. Je ne vendrai pas ce concept. Je le garde pour moi. Je vous entends, France 3. Burger. Il y a Burger qui revient. C'est vrai. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Eddie De Pretto a un peu chaud dans son lit. C'est la couette de trop. Ah, putain. C'est très rapide. Ça va être rapide. Ouais, non, c'est très rapide. Simon pleure. C'est un très, très bon jeu. J'adore ce jeu. On peut continuer à y jouer hors antenne. Alors, Eddie De Pretto est en train de se manger un petit poisson, mais là, il a failli s'étouffer. La pêche de trop. C'est la rête de trop. Ah, ben oui, non. Non, et désolé, quoi, Simon. C'est la pêche de trop, ah, je crois, a dit Simon. Dans ma tête, c'était la rête de trop. Bien sûr. Ah, bien sûr. Adrien. 2 points pour Adrien. Ouais, Adrien, on laisse jouer ses petits camarades. Ok, bon, j'arrête. Voilà. Ok, je suis pas avantagé. Laisse-nous au moins 5 secondes de battement. Ok, bon, super. Eddie De Pretto n'en peut plus de cette plante origine de l'est du bassin méditerranéen qui se cuit à l'eau. Alors, j'ai c'est la fève de trop. Non, non, c'est pas la fève de trop. Ah, attends. C'est la blette de trop. Non, ce n'est pas la blette de trop. Mais vraiment, pour travailler sur la voix, vraiment. C'est la... Et c'est Eddie De Pretto n'en peut gros plus gros travail sur la voix, de cette plante origine... J'ai presque envie de te donner un point pour la voix. N'en peut plus de cette plante origine de l'est du bassin méditerranéen qui peut se cuire à l'eau. Est du bassin méditerranéen, c'est la Turquie. Ah attends, putain, parce que moi non, je non, on est sur des, vous êtes pas, enfin on est sur des fruits, des légumes, ce genre de champ lexical. Qui se cuit à l'eau. Alors je peux vous la changer un peu. La blette. Je vais vous la changer un petit peu pour que vous trouviez. Oh. Eddie De Pretto en a un peu marre, il est allé faire pipi et ça se sentait un peu mauvais. C'est l'asperge de trop. Ah putain. Ça peut être rôti aussi. Bah j'ai pas honte, voilà, je préfère vous le dire. Attention. Ah, j'adore. Eddie De Pretto a mangé du pain, mais il s'en est mis partout. La miette de trop. Ouais, ouais, voilà, bravo Simon. Un point pour Simon Assier. Okay, merci. Marjorie, je veux entendre ton imitation d'Eddie. Non, mais concentre-toi. Mais j'ai juste pas la réponse en fait. Non, mais je t'invite à te concentrer. Eddie De Pretto a failli vomir, il a mangé trop de plats grecs. Ah, mais je peux. Là, non, c'est là que tu dis pas. Elle a été faite hier, donc je il ne a mangé pas. Trop de plats grecs. Un plat grec qu'il a mangé, il a failli vomir, c'était celui-là. C'est la moussaka de trop. c'est le grec de trop. Non, alors, non. Ah, parce que c'est turc. Elle fonctionnait presque, mais c'est pas la réponse en tout cas. La moussaka. Je connais un seul plat grec, voilà. Bah ouais, moi aussi. Tatsiki de trop. c'est pas drôle. Non, ça marche pas très bien. Je vous dis la réponse. Attends. Ok, je vais essayer de trouver des indices. Un plat grec. Est-ce qu'il y a un piège? C'est pas un plat. Ok, je vous reprends un peu. Alors, est-ce que c'est Eddie de Préto? C'est le feta de trop. Oui, oh, oui c'est pas un plat, c'est un fromage, ok? C'est un fromage. Pardon. Excusez-moi, mon alimentation est basée par du fast-food uniquement. vous construirez cette phrase. C'était vraiment très incorrect. Ouais, bon, écoutez, on a commencé très tard. Adrien a sauvé un enfant, on a commencé très tard. Eddie de Préto a mis le couvert. Mais on est 4, bah pas 5. C'est l'assiette de trop. c'est pris au jeu, Simon. Il est terminé, il est au-dessus. C'est mon jeu préféré, je crois. C'est génial. Celui-là, concentrez-vous, Adrien. Tu ne réponds pas sur celui-là, car c'est un d'Adrien, celui-ci. C'est moi qui, oui. Eddie de Préto aime bien Ben, mais alors Kazé... C'est la flaque de trop. Oui. Un point pour Marjorie. Sébastien, concentre-toi. Tu peux encore remonter. J'ai fait zéro point en fait, j'ai juste dit la blette de trois. Mais la blette, c'était bien. L'imitation est très très bien. Ouais, c'est pour ça que voilà. Pas grave. Ça commence à être un poil tiré par les cheveux parce que depuis le début, c'était quand même. Tu peux jouer cordon. Là. Ouais, tu peux jouer. Eddie de Préto conduit une voiture italienne des années 80. C'est la Fiat de trop. J'acceptais aussi. C'est la Fiat Uno. Qui fonctionne aussi. Ou Punto. Ouais, ou Punto. C'est la Fiat Punto, c'est drôle ça. Et enfin, c'est déjà la dernière, ça va très vite. J'aurais dû en écrire beaucoup plus. Bah oui. Mais encore une fois, je vous invite, amis auditeurs, sur Twitter, avec le hashtag De Préto fait des trucs. Voilà. proposez vos phrases. Eddie De Préto fait un rap avec un gitan. Fait un rap. Ah ! Attends. C'est le... Elle est un peu tirée par les cheveux. Comment il s'appelle, putain ? Attends, fais un rap avec un gitan. Avec un gitan. Attends, putain. Eddie de Préto va rapper avec un gitan. Avec un gitan, pardon. Avec un gitan. c'est le 7 de trop, 7 gecko, non? C'est le 7 gecko. Ah, d'accord. Elle fonctionnait. Voilà. Merci beaucoup pour ce jeu qui a été quand même écrit avec 16 auteurs. Voilà, tous rémunérés. Tous rémunérés. Peut-être ce que vous avez fait de mieux dans votre carrière. Ouais, bah là, c'est du. Il y a énormément de SACEM qui va tomber. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien? Non, j'en ai un. Mais non, mais c'est non. Ah, bah vas-y, non, mais t'es obligé. Eddie de Préto affectionne particulièrement un membre du Whoop qui a déjà été invité dans un floodcast. Putain, je l'ai. C'est Jérémy de Trop. C'est ça, elle marche. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer par Twitter. Les meilleurs gagneront des places pour Ready Player One. Alors, c'est incroyable. On est. Vas-y. Eddie de Préto lit un livre pour enfants, une série de livres pour enfants. Dis-moi. C'est l'âne trop trop. Oh la vache. J'étais sur le club des 7 de trop, chercher un truc. Non, c'est pas mal. L'âne trop trop. C'est bien l'âne trop trop. C'est donc la fin de cette émission. Mais non, on continue. Il est 6h du matin. Près de 6h du matin. Un petit tour des invités. Marjorie Lenoir, je crois que tu as tourné une vidéo il n'y a pas longtemps avec Nathalie Ogier-Rishkoshko. Oh, bien joué. C'est vrai ou pas? Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça va être? Quand est-ce que ça sort à peu près? Ça parle de nostalgie. Ah, bah, ça toujours, parle on est bien. De l'aérobic des années 80. Très voilà. Bien. Nous avons enfilé nos plus beaux collants et nos plus beaux tenues d'Ikra. Je suis très jaloux d'ailleurs. Hein. Ouais, au passage, quand j'ai vu ça, j'étais... Bah, parce que moi, je rêve de faire un truc... Sérieux? Bah, la chanson... Alors, vous allez utiliser vraiment cette chanson dans la vidéo ou pas? J'en fais des stories de Nato. Non, c'est pas celle que j'ai mis dans mon Snap. D'accord. Non, j'en sais rien. Parce que ça, c'est. Bah, je suis vraiment très peu avancé en montage, donc je peux pas encore te le dire. Non, parce que moi, la musique que j'ai vue dans vos stories, c'est la musique de. You can call me. C'était pas ça moi que j'entendais. C'était. Ah non, c'était pas celle-là. Ah oui. Ah, mais ça, c'est la musique de. Bien sûr. C'est celle qui est dans la musique de Kim Peele et c'est Aerobic Championship. Ah oui, bien sûr. Oui, on a dansé sur celle-là. Exactement, putain, jolie. Et mais du coup, vous n'allez pas utiliser celle-là. Si, parce que j'en ai rien à foutre. Ah, d'accord. Je respecte ça. Elle ne se rémunère pas grâce à YouTube. Hein. Moi, cette chanson, je l'écoute dans. Mais dans tu la sais rue, quoi. Ouais, mais genre, on a, la pêche, quoi. On a moi, fait 3 heures de tournage et j'étais sûre qu'on n'en pouvait plus après. Moi, je l'écoute quand je fais l'amour. Je vous invite à le faire. Et si je faisais l'amour, je l'écouterais, sans doute. Et sinon, d'autres trucs en préparation? Non, tu écris... non mais si, tu écris ton film. Je joue énormément la PS4, sinon. Oui, non, mais faites pas genre, je fais plein de trucs. Je... vraiment... Oui, non, mais si, bon. J'écris, voilà. Voilà, d'accord. C'est déjà beaucoup de choses. C'est énorme d'écrire un film, enfin. Non, mais oui. T'es pas cinglé, ma pauvre, un peu? J'ai bien l'impression. On arrête de se déprécier. Ouais, j'ai envie de demander. Non, non, je le déprécie pas, mais... On se met tous un coup de boost, allez. Non, mais... J'aimerais bien la vie de Chirac. Je me déprécie pas, c'est juste que je me rends compte que je fais très peu de choses dans ma journée. C'est pas du tout. C'est Chirac qui est en train de décéder là. Il est vraiment en mauvaise santé, Chirac. Là. Il n'y a plus rien. Petit de celui-là, il est bien Chirac bizarrement. Putain, Esteban des Naïf Débiteurs, c'est incroyable. Hein. On s'y croirait, c'est vraiment dingue. Simon Astier, l'actualité. Assieds-toi, assieds-toi, parce qu'il y avait Chirac à sa place. Ah, mais t'as encore loupé. C'est le président. Simon, je t'en prie, assieds-toi. Non, parce que. Excellent. Pas si mal. C'est la meilleure. Excellent. Pas si mal. Ouais. Bon, il y en a eu des belles sur la Dit de Préto. Ouais. Donc, Simon, ton actualité prochaine dont tu as le droit de parler. Alors, nous, avec l'équipe d'Hérocorp, nous terminons notre longue histoire avec l'improvisation. On fait une série de 4 matchs dans des salles qu'on adore, dont l'Olympia le 17 mai. Oh, et si je rappelle la salle où il y a quand même Jacques Brel, Priscilla, tout ça. Je suis tellement... Enfin, c'est un rêve de faire ça. Après, on va à Nantes, après on va à Lille et on finit à Lyon. Voilà. Après, moi, j'ai un film qui sort cet été. D'accord. Allez, enfin, un film dans lequel tu joues. Dans lequel je joue. Ah oui. Et non mais parce que je me disais j'étais pas au courant que t'avais voilà. Bah tu serais dedans. Ah mais arrête enfin. Mais je t'aime profondément. Je suis tellement dans plein de d'œuvres hypothétiques, c'est trop cool. Et prochain oui alors et je prépare une alors j'en suis à un stade très très lointain encore avant la sortie mais une prochaine série et un film. Voilà, et j'ai créé un autre film, enfin, c'est plein de projets. Plein de choses. Sébastien Chassagne, ouais. Donc la saison 2, direction, qui est sorti le 22 février, vient de sortir. Je l'ai rien. Un bon mois, c'est tout ça chaud. Va. Les gens binge, mais moi je ne binge pas. Oui, voilà, puis ça a son succès sur la longueur, je pense. En tout cas, je voulais inviter les gens à regarder, parce qu'elle est très bien, cette saison. Merci. Et tu es trop bien dedans, tu sais à quel point je t'apprécie. La série est trop bien. La série est trop bien. Les gens n'entendent que du bien. Sébastien est trop bien comme comédien, et voilà. Sébastien, on devait faire un projet ensemble qui est décédé lamentablement sur le rebord du route. Pas encore, je le ferai peut-être sans toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends, 2 secondes. Enfin voilà, en tout cas, c'est voilà, un comédien que j'aime beaucoup et j'espère qu'on te verra dans plein de trucs. Ah bah là, il y a Doxa, la web-série d'Alexandre Pierrin et Olivier Marchesi avec OGG et Amaury et Quentin et Nicolas Bernot aussi, ouais. Justine Le Potier et voilà, et Romain Vissol. Et ça sort, je sais pas quand, mais en tout cas, ce sera la série Mania à Lille, là, qui commence je sais plus quand. Avril, fin avril, je crois. Oui, fin avril, 28 avril, je sais plus par là. Et moi d'ailleurs, du 28 avril au 1er mai, on finit une pièce qu'on tourne depuis 4 ans qui s'appelle Ciel mon placard, qu'on avait commencé à la loge et qu'on finit à la loge en fait. Donc on est passé par le rond-point, on est passé par une tournée en France et là c'est nos 5 dernières dates du 28 avril au 1er mai ou au 2 mai. Ça parle de quoi en quelques mots Ciel mon placard, c'est compliqué, c'est une espèce de pastiche un peu absurde autour du théâtre de boulevard. D'accord. Voilà, okay. Mais c'est très drôle. Mais tu vas en refaire après ou là pour toi c'est la pièce de trop? Non, voilà. Non, je vais en refaire. Je pense que, ouais. Que ça reste pas. Mec, aucun humour. Ouais, ouais, bah ça me touche que tu me poses la question. Je suis un peu surpris que tu aies chanté pour poser la question. Et voilà. Et Gaston Lagaffe le 4 avril, mais qui n'a pas besoin de moi pour la promo. Ah, c'est 4 avril qui sort. Putain, ouais. Je pensais qu'il était sorti. Mais je pense moi. Même je que fou. Sur le podcast. Tu confonds avec Spirou, je pense. Ouais, non, mais non, mais. Qui est sorti déjà il n'y a pas longtemps. Pas du tout. Déjà sorti du cinéma il n'y a pas longtemps. Tu dois confondre, je pense. Non. Pas du non, tout. Et pour des gens qui écoutent, ce sera donc du coup 2 jours après la sortie du podcast. Donc peut-être qu'il est dans vos salles et que vous pouvez aller le voir. Adrien Méniel? Rien. Tu dis à Marjorie d'arrêter de se déprécier et toi, t'es en mode je fais rien mais... finir un long tournage. Un en Espagne. Long tournage, voilà. Mais je peux pas trop dire ce que c'est, mais ce sera sur Canal+ a priori en juin. Fin mai, je crois. Fin mai. Toi, d'accord. C'est fin mai, ouais. Et puis sur YouTube, a priori peut-être, alors soit à la rentrée en septembre, soit une semaine après, on ne sait pas encore. Ce qui est une vraie fourchette. Voilà, voilà. Guettez YouTube pendant 2 mois. Ça peut sortir. Non, mais voilà, sans trop en dire, mais si les gens ont suivi mes stories, ont une petite idée, mais c'est un truc. En gros, c'est une, je ne peux pas dire parodie de série des années 90, mais c'est un truc dans l'univers des séries des années 90. On a pris beaucoup de plaisir à reprendre les codes des séries des années 90 et d'en inventer une et de la tourner, etc. Et on espère que ce sera à la hauteur de l'amusement que ça nous a procuré. Tout Adrien, ça. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de pur délire? C'est un purtin de pur délire. Ouais, c'est ça. Hein, putain, voilà. Et puis toujours une série dont on n'a pas le droit de parler, ce qui est devenu vraiment le... ça s'appelle... Il y a mort dedans. Une série qui sort en... Tu sais qu'en fait, en vrai, on commence à notre petit niveau, parce qu'on a un podcast. Je vous remercie, on fonctionne beaucoup pour un podcast, mais en vrai, à l'échelle du monde, c'est très peu. On a été 4e podcast français, on peut le dire. On a talonné Nicolas Canteloup, qui d'ailleurs imite Chirac, mais pas tant que ça, parce qu'on a quelqu'un qui l'imite mieux. Tout à fait. Oh putain, j'ai tout perdu. Tu l'as tellement perdu. Parce que je crois que je l'ai trop intellectualisé. C'est le track, quoi. C'est le track de trop. Il n'y a plus rien. Terminé. Salut tout le monde. Cette série qui va sortir un jour. Une série. Et c'est... ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on commence à la teaser. Vraiment, j'ai eu beaucoup de questions. Allez, dites la série quand est-ce qu'elle sort. Voilà. À notre petit niveau, parce que les gens s'impatientent. Mais nous aussi, dites-vous que la série est prête depuis tellement longtemps. Et on est dépendant. En fait, quand ça sortira, vous direz ok, on comprend, ils étaient dépendants d'un truc. Voilà. Donc voilà, là, on est dépendant d'un truc. Et on aime pareil, YGG. Ça très bien pour télécharger. Quant à moi, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de floodcast. On avait eu pas mal sans Adrien et je m'en excuse, mais c'était un hasard. Mais il n'y a aucun problème. Écoute, j'avais ma vie. Il avait sa vie. Il a eu un j'étais tour. Dispo. on en a fait un spécial sur Souris 4. Ça avait moins un intérêt de t'inviter. Un sur Solange, je te parle, tu la détestes. Je plaisante. Et quant à moi, du coup, on va reprendre tranquillement les floodcasts à un petit rythme tranquillou. Comme d'hab. Comme un peu de la même. En gros, Adrien, toi, t'as fait un épisode d'un espèce de d'un projet. Ça va vite sortir. Et moi, j'en ai écrit un pour Alison Wheeler, qui partage l'affiche de Gaston avec toi. Je suis pas sur l'affiche, mais oui. Complètement. Bon, qui partage la vedette excellent improvisateur. Et donc qui Alison, j'ai écrit avec elle un truc de 22-23 minutes et j'ai hâte que vous le voyez. Je trouve ça cool, moi j'en suis assez content. Donc il y en a un autre et j'en ai écrit un autre avec Natou. Et que je vais réaliser. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment au stade de projet parce qu'on n'a pas commencé le tournage. Je suis en plein repérage en ce moment. Donc c'est très cool parce que je rencontre des gens avec des univers différents du mien, des trucs qui partent parfois très loin, et puis des meufs qui ont des persos à eux. Et j'ai vraiment. On parlait de références. Enfin, j'ai l'impression d'écrire pour des clowns. Elles ont leurs clowns et de pouvoir écrire pour des clowns, c'est super bien. Ça me stimule de ouf, c'est un peu ce côté SNL, tu sais, quand ils ont leurs personnages et les auteurs essaient d'écrire des situations pour des personnages bien définis. Écris ça, du coup. Ça, le film, tu devrais l'écrire. C'est un clown. Si t'aimes écrire pour des clowns. je sais pas, c'est vrai. Ouais, moi j'aime bien. J'aime pas mal. Moi, ça me plaît. C'est une petite blague sans prétention, mais ça valait quand même le coup de t'interrompre pour faire cette blague. Je pense. Et pareil, des projets d'écriture, mais voilà, tout ça prend beaucoup de temps. La série avec Adrien et une autre série. Dans lequel, Simon, tu as un petit rôle dans un épisode. Si. Ah, ben oui. Oh, oui, d'accord. Voilà, tu as un petit rôle dans un des épisodes. Ah oui, un tout petit rôle, oui. Oui, voilà. Ouais. J'ai passé un casting pour ce truc, je ne l'ai pas eu. Sérieux? Ah oui, j'ai totalement passé un casting pour ce truc, mais il n'y a pas de problème. Mais c'était pour jouer un Adolf Hitler. Je sais plus trop. Non, mais c'était quoi le rôle, du coup? C'était le rôle d'une femme. La meuf niaise, mais obèse, vite fait, je crois. C'est ça, mais qu'elle a la chiasse. Qu'elle a la chiasse, ouais. Bonne gâteau. Mais visiblement, ça ne correspond pas à mon profil, parce que je ne l'ai jamais. Donc, arrête de faire des castings pour les meufs qui ont la diarrhée. C'est pas moi. Ça ne fonctionne pas avec toi. C'est pas moi. Les réals ne voient pas en diarrhée. Arrête tout de suite. Et dans un truc un peu plus concret, moi je serai le 6 avril à Cannes pour le festival Cannes Série. Alors je ne présente absolument rien. Mais pourquoi faire? Et bien en fait, avec Aurel San, Kian, Navo et Clément Cotentin, avec qui on a écrit Bloqué, on va projeter des épisodes de Bloqués et à faire une rencontre débat. Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, bon, évidemment, je sais pas si Bloqués sur grand écran gagne en skills, parce que c'est un plan fixe. Là où je suis très content, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est dans la limite des places disponibles, mais c'est gratuit. Donc, si vous êtes dans le sud, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui des fois se plaignent, genre ah, putain, tout se passe à Paris, vous êtes relou. Ben voilà, là on descend dans le sud. Il y a le beau temps qui se passe dans le sud, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On sera dans le sud. Il n'y a pas que Bloqués, en fait. Kian et Navo parleront aussi de Bref. Et il y aura aussi Jonathan Cohen pour parler de Serge le Mytho. Donc merci à tous les quatre d'être venus et d'avoir merci. Répondu à cette invitation. C'est très cool. Ouais, à très merci bientôt. Beaucoup. Et merci tout le monde. Ciao. Salut. Salut. Bisous. Préto a invité plein de potes dans son appartement et tout. Il commence à y avoir un punk, deux punks, trois punks. Et au bout d'un moment, il dit... C'est la crête de trop. Ha, ha, ha.